Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast Outsider. Aujourd'hui, c'est un podcast game design sur le thème jeux de rôle et animation, les avancées. J'ai avec moi deux invités absolument prestigieux que je remercie beaucoup d'être avec moi. Merci beaucoup pour votre aide et pour votre participation. J'ai nommé Lionel et Grégoire, un petit peu se présenter. Grégoire, si tu peux nous dire quelques mots sur toi, notamment sur ton rapport avec le sujet qu'on va traiter là maintenant. D'accord, alors moi je suis rôliste depuis 1987 désormais, et puis animateur pédagogique depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai appris mon métier dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement urbain. Aujourd'hui, je suis animateur de jeu au niveau de ma commune et j'accompagne un jeune adulte en situation de handicap. Voilà. Alors juste, on va juste préciser que ta commune se situe en France. Oui. Ça peut avoir une importance, notamment au niveau institutionnel. Tout à fait. Quant à toi, Lionel. Oui, donc Lionel Jeannerat, je suis historien et game designer indépendant. Je fais du jeu de rôle depuis moins de temps que mon camarade. J'ai 30 ans. Et puis j'ai pratiqué, enfin, j'ai quelque chose à dire sur ce podcast aujourd'hui parce que j'ai été enseignant. Et j'ai utilisé le jeu de rôle comme un moyen pédagogique dans mes cours. Et puis également, je travaille actuellement sur des projets, notamment La Chaux-de-Fonds 1904, qui sont des projets qui sont en lien avec des institutions publiques, et puis que j'utilise pour faire des animations dans diverses institutions. Et puis voilà. Voilà. Et je suis suisse. Ça a une importance, comme tu l'as dit, au niveau Voilà. institutionnel. Oui. Les choses ne sont pas vraiment tout à fait la même chose. Ok. Donc quant à moi, en fait, je vais surtout intervenir en tant au niveau de mon expérience d'auteur de jeu, mais aussi j'ai été pendant longtemps président d'une association rôliste. J'ai également été directeur d'un festival de jeu hein, qui s'appelle les 24 heures du jeu, qui existe toujours. Et donc c'est au travers du prisme de ces deux expériences, hein, surtout je vais m'exprimer. Et puis aussi, en fait, comme je vais être appelé à faire des interventions auprès d'animateurs, justement, au sujet du jeu de rôle, c'est un sujet que j'ai tenu à défricher pour pouvoir parler un petit peu en connaissance de cause. Et donc là, au mois de septembre, j'ai monté un dossier sur le forum Les Ateliers Imaginaires, un dossier consacré justement au rapport entre jeu de rôle et animation. Avec, il y avait notamment six interviews d'acteurs, quoi, notamment vous deux, hein. Et puis j'avais essayé de brosser un petit état de l'art justement de ce que je connaissais, de ce qui semblait se faire actuellement, mêlant jeu de rôle et animation. Alors je vais proposer une petite définition. Alors, sachant que Grégoire a prévu de la discuter en profondeur un peu plus tard dans le podcast, c'est juste pour donner un premier référentiel commun à ceux qui nous écoutent. En fait, je considère que on fait du jeu de rôle et de l'animation quand, en plus de simplement jouer, on a un autre objectif. Alors cet objectif, il peut être très varié. Je vais pas détailler les objectifs maintenant. Je pense que ce serait empiéter sur la partie de Grégoire et puis tout simplement sur les interventions qui vont suivre. Donc, à partir de ce premier référentiel commun, donc qui sera de toute façon débattu, défriché, contredit pendant toute la durée du podcast. Je vous propose de commencer la première partie. Donc, je rappelle que la première partie des podcasts Game Design, c'est une partie qu'on consacre à une expérience personnelle précise ou à un jeu ou à un focus sur un jeu en particulier. On avait prévu de commencer par Lionel. Lionel, tu voulais nous parler de ton expérience autour de la Chaux-de-Fonds 1904. Tout à fait. Donc, Alors, la chute. Oui. Je me permets juste hein, de dire aux auditeurs, je pense surtout hein, les deux premières parties. Ça a déjà été expliqué par Lionel et par Grégoire dans les interviews, donc vous pouvez retrouver ça dans les interviews. De toute façon, il y aura le lien à la suite de ce podcast. Mais ceci dit, Lionel, si tu as besoin de répéter des choses qui ont déjà été dites par écrit, c'est pas grave du tout, quoi. D'accord. Voilà. Donc la chaude forme 904, c'est un supplément, enfin, c'est un projet global qui intègre un supplément pour le jeu Crime. Alors peut-être tu peux expliquer déjà du coup c'est quoi le jeu Crime? Alors Crime, c'est un jeu qui se passe à la Belle Époque. C'est un jeu d'enquête qui se base, enfin, une bonne partie du jeu se base sur la psychologie des personnages et puis surtout sur leurs contradictions, sur le fait de devoir faire des choix qui vont à l'encontre de la pensée ou des tabous des personnages, etc., qui en fait remettent en question la psychologie du personnage. Est-ce que tu pourrais citer juste une ou deux fictions, livres ou films, un petit peu dans le genre que veut émuler Crime? La littérature de la fin du 19e siècle, du Zola, pour prendre un exemple. Enfin, c'est vraiment un jeu qui se base sur toute cette pensée émergente de fin du 19e siècle sur la psychologie, sur aussi le fantastique de la fin du 19e siècle. Et puis également un aspect historique très prononcé. D'accord. Voilà. Mais on est proche du naturalisme à la Zola. Enfin, du moins comme moi je le fais jouer. Voilà. Donc la Chouterie 904, c'est un projet global, donc qui comprend l'édition d'un supplément qui est déjà sorti. La Chaux-de-Fonds 1904, donc La Chaux-de-Fonds étant une ville de Suisse francophone qui est caractéristique de cette époque du 19e siècle. Et le projet comprend également un volet d'animation, une tournée même francophone, et tout ça, ce projet a été soumis pour le financement, un financement participatif sur Ulule, mais également auprès des subventions publiques. On a eu un assez grand succès, un fort soutien tant sur Ulule que par les institutions politiques et culturelles de la région. Voilà. Donc après, par rapport à l'aspect, je ne vais pas entrer trop dans les détails de la Chaux-de-Fonds 1904 en tant que livre. Je pense qu'on est plutôt ici pour parler d'animation. En effet. Donc, au niveau de l'animation, donc il y a cette tournée francophone, donc où on met la limite d'une tournée, enfin d'une tournée, c'est-à-dire d'une animation. Selon toi, en fait, c'est quand on a un objectif qui dépasse également le simple fait de jouer. Une animation en convention, pour moi, ça dépasse juste l'intention de jouer, étant donné que j'y vais pour présenter le jeu, pour présenter la ville, etc., à des rôlistes qui viennent juste pour jouer, mais ça, pour moi, c'est pas un problème. Tant mieux. Et puis, je fais donc de l'animation en francophonie à des conventions diverses et variées. J'étais à Provins, au Club Pythagore. On a fait aussi une date dans le sud de la France, au Chimériade, etc. Donc, on a un certain nombre de parties qu'on fait jouer en France. On sera en Belgique à Trolley-Légende. Et puis, il y a aussi faire jouer dans la région. Donc, dans la région, c'est-à-dire à la Chaux-de-Fonds essentiellement et alentour. Et en fait, à la Chaux-de-Fonds, je collabore. Donc, tout d'abord, mon activité est proposée comme une activité touristique. Donc vous pouvez aller sur le site de l'Office du tourisme de la Chaux-de-Fonds et puis vous regardez les animations proposées pour les touristes. Donc il y a des visites guidées de la ville, visites d'usines horlogères, etc. Il y a différentes activités et il y a partie de jeux de rôle. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est proposé. Pour l'instant, il n'y a pas eu un grand nombre de demandes. J'ai été contacté par des jeunes filles qui souhaitaient faire un enterrement de vie de jeune fille. Donc c'était une dizaine. Avec mon camarade Laurent Jospin, qui a aussi travaillé sur le projet La Chaux-de-Fonds 104, on leur a proposé une partie double table. Donc on a fait un scénario spécifique pour ce groupe, et puis on a animé une partie un peu fun. Donc on avait vraiment fait un scénario là sur mesure, d'après les contraintes. Donc ça c'est un des éléments, cet aspect où à la demande on peut répondre au privé pour leur faire une animation de jeu de rôle. Lionel, j'ai une question hein, par rapport à ça. Est-ce qu'elles ont rémunéré en fait l'animation ces jeunes filles, enfin ces jeunes filles, ces personnes qui faisaient l'enterrement de vie des jeunes filles? Oui, tout à fait, c'est rémunéré. Donc, tout comme on rémunère un guide touristique, là, c'était rémunéré. D'accord. Alors Voilà, je pourrais donc. demander combien, mais c'est pas tellement intéressant. Enfin, ça pourrait, je pense que ça Vous parlera qu'à nos pouvez auditeurs trouver ça sur de Suisse. l'office du tourisme, hein, les prix sont Voilà. indiqués. D'accord. Bah, je mettrai peut-être je pense que je mettrai le lien, ne serait-ce que pour vous c'est intéressant pour les gens de voir comment on peut trouver ce type Bah, en d'animation gros, sur un site c'est d'office du 200 tourisme. francs, par animateur. D'accord. Tu peux nous Pour une dire ça fait partie combien prenante. en euros? Ça fait 100, 150, 160 euros. D'accord. Ok. Environ moins. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a eu la sortie du jeu La Chaux-de-Fonds 904 au festival Ludesco, qui a lieu mi-mars, donc à La Chaux-de-Fonds. Et puis là, on a eu à animer, donc il y a eu un vernissage, etc. Tout ça, ça fait pour moi partie d'un aspect d'animation autour du jeu. Pour faire vivre le jeu. Le jeu, c'est pas uniquement la partie, mais aussi son ambiance, le fait que les gens s'y intéressent. Et puis, maintenant, je suis en train de développer. Enfin, je suis en train de développer. Je suis en contact avec des institutions de la ville pour faire jouer le jeu. On a été engagé par exemple par la bibliothèque de la ville pour faire jouer, pour faire l'initiation au jeu de rôle dans la bibliothèque. On a fait donc jouer un scénario là qui est un scénario écrit spécifiquement pour faire des parties très courtes d'une heure, qui s'appelle Hiver chaudfonnier. Et puis donc c'était la bibliothèque. Là c'était rémunéré mais par la bibliothèque. Voilà. Donc on était engagé par la bibliothèque. Et là je suis en contact avec le musée historique de la ville. Qui cherche à développer ses activités de médiation culturelle et qui est intéressé aussi à faire découvrir l'histoire de la ville par le jeu de rôle. Voilà en gros pour la Chaux-de-Fonds 904. Toutes les choses doivent encore se mettre, enfin, c'est-à-dire une bonne partie des choses sont des fois déjà faites, etc. Mais ça peut être tout le temps développé encore plus. Ouais, Lionel, justement, est-ce que tu peux, est-ce que tu as des projets supplémentaires concernant la Chaux-de-Fonds 1904, des choses que tu aimerais développer en particulier? Alors, tu nous as déjà parlé que tu avais quelque chose en cours, mais est-ce qu'il y a d'autres choses en projet? Ben disons que pour moi, c'est déjà un projet qui m'a ouvert d'énormes portes. C'est-à-dire que j'ai contact avec l'office du tourisme, etc. Ensuite, je fais aussi de l'animation dans d'autres cadres, donc enfin, c'est-à-dire je peux le faire à la demande sur des jeux spécifiques ou autres. Donc j'ai des demandes pour faire de l'animation jeu de rôle pour des entreprises, des choses comme ça. Mais c'est un peu plus délicat d'en parler ici. Mais D'accord. enfin voilà, c'est pour moi c'était aussi un moyen de faire parler de moi parce que je me lançais comme indépendant, comme historien et comme game designer. Et puis ben, le projet pour moi de la Chaux de Fonds 1904, les prochaines étapes donc c'est sortir de nouveaux scénarios dans des magazines. Donc il y en aura un premier qui sera dans Dissident, qui est Hiver Chaudfaunier. Et puis un second, donc c'est ce scénario double table qu'on a écrit pour l'enterrement de vie de jeune fille qui pourrait sortir dans un autre magazine. Et à côté de ça, donc on a maintenant une approche où on va aller un peu plus loin avec le projet avec les Écuries d'Augias, qui est l'éditeur, qui est de peut-être faire un approfondissement en changeant de ville. Donc un projet peut-être en lien avec Besançon, qui est une ville donc de l'autre côté de la frontière, mais qui est proche de la Chaux de Fonds. Et puis peut-être faire un projet comparable avec Besançon. Donc ça, c'est pas directement moi qui m'en occupe, même si il y aura du travail à faire de part et d'autre. Pour lier les deux projets et puis éventuellement une traduction en anglais qui est disons en chantier. Voilà, parce que pour moi ce serait faire l'animation toujours dans l'aspect tourisme, de pouvoir proposer le scénario aux touristes qui ne sont pas francophones. Lionel, Oui. de la part des institutions, que ce soit la bibliothèque ou le c'était subventionné par le canton, c'est ça? Alors bon, en Suisse, donc Ouais. on a reçu de l'argent de trois différents partenaires. Donc en Suisse, les subventions fédérales, c'est-à-dire au niveau national, sont très spécifiques. C'est assez difficile d'en obtenir, étant donné que c'est une attribution cantonale. D'accord. Alors, on va demander, donc pourtant il y a des moyens qui existent. D'ailleurs, pour la traduction en anglais, c'est par une institution fédérale qu'on va passer, qui s'appelle Proelvesia. Voilà, pour citer des noms. Donc, c'est pour la promotion de la culture suisse à l'étranger et à l'intérieur de la Suisse. Et puis, au niveau cantonal, les cantons ne donnent pas directement de l'argent, mais ont sous-traité finalement les subventions à la loterie romande, hein, D'accord. les cantons suisses romands. C'est-à-dire que la loterie en Suisse finance la culture. OK. Donc, c'est des personnes, la fondation qui distribue la manne et bien sûr des personnes qui sont désignées par des personnalités politiques, hein, D'accord. ou déléguées par la politique. Alors, Donc, ces institutions-là, est-ce qu'elles t'ont demandé une démarche d'évaluation du projet? ah ben bien sûr, il faut faire Alors. un gros dossier, enfin un gros dossier, il faut faire un dossier détaillé où il faut avoir un budget. Ils ne donnent pas d'argent si tu n'as pas de budget, ça me semble une évidence. Donc il y a un budget, il y a la présentation du projet. Vous pouvez trouver sur mon site internet plaisirdhistoire.ch le dossier que j'avais donné aux différentes institutions. Donc vous pouvez voir, il y a donc une description du projet et surtout quelque chose d'extrêmement important, c'est d'indiquer les partenaires. Parce que dans un bon projet, on n'est pas tout seul. Et puis, ce que cherchent les institutions, c'est de mettre en réseau les personnes ou les institutions, enfin, les institutions qui ne sont pas forcément publiques, mais enfin, citoyennes, disons. Et puis ça, franchement, donc on a reçu du soutien de la loterie romande, donc du canton. On a reçu aussi un soutien de la ville, également de fonds de soutien du touristique. Donc on a reçu 11 000 francs de la loterie, non, 11 ou 13 000 francs, je sais plus trop. 11 000 francs, je crois, de la loterie romande, 5 000 francs de la ville de La Chaux-de-Fonds, donc de son fonds culturel, et puis 3 000, je sais plus, 2 ou 3 000 francs du tourisme. On a reçu en tout 18 000 francs. Donc Donc, en fond, ce qui fait 14 000 euros. c'est pas mal. Ouais, j'étais content. Surtout qu'on a demandé à peu près 21 000. Donc en D'accord. fait, enfin 23, enfin, on a eu bien plus que je pense. De toute façon, faut jamais avoir peur de demander un peu plus parce que généralement, ils te donnent un petit peu moins. Si je me rappelle bien, Lionel, parce que tu avais. Je crois que sur le forum Les Ateliers Imaginaires, il y a un moment, d'ailleurs, je veux bien que tu me renvoies par message enfin, je retrouve peut-être le sujet, mais si tu me le retrouves, je te serai reconnaissant. Tu donnes un petit peu le détail de qu'est-ce que ça a financé exactement. Et donc, il me semble, bon, certes, il y a les frais d'impression notamment, mais c'est quand même quelque Ah chose non, non, qui va attention, attention, financer. attention. Oh, La vas-y, réimpression a dis-moi. été complètement payée par les écuries de Gias. Les écuries de Gias Alors, les n'ont pas écuries du de tout. Jas, voilà, prennent l'impression à leur charge. Tout l'argent a été. Alors, elle a surtout payé la création. Donc, que ce soit moi, de mon côté, la recherche, l'écriture, Ouais, en tant mais qu'auteur, quoi. également la mise en page, les illustrations, l'aspect graphique, et puis paye également l'animation. Donc l'animation, c'est-à-dire il y a un défraiement pour les personnes qui se déplacent en convention. Ouais. Et est-ce que en tant qu'animateur aussi tu étais payé pour ta prestation, quoi? Alors ça a discuté. De toute façon, c'est l'association Sucimed JDR qui chapeaute le projet Ouais. et puis qui prend des décisions à ce niveau-là. Alors vous allez me dire, l'association, la plupart des gens sont des contributeurs de la Chaux-de-Fonds 204, donc enfin, bref, on décide un petit peu au coup par coup. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai une dernière question pour les gens qui voudraient s'inspirer de ta démarche. Je suppose que quand tu montes le dossier de subvention, il faut pas avoir déjà écrit et publié le jeu pour le faire, quoi. Je suppose que Ben, quelque part, c'est ce qui est subventionné, c'est quand même la réalisation de l'ouvrage, quoi. en fait, ça dépend vraiment de ton projet. Il Ouais. n'y a pas de modèle type. D'accord. Je crois que justement, ils sont à la recherche de projets. Enfin, c'est moi qui. Parce que je ne leur ai pas envoyé un dossier comme ça. Hein. Je leur ai envoyé d'abord des emails. Je leur ai dit, j'aimerais vous rencontrer. Donc, j'ai pris d'abord la température. Ça, c'est important. De savoir ce qu'eux ils pensent. Également, ils sont très ouverts. Alors ça, c'est quelque chose, on peut facilement rencontrer des responsables pour des projets de ce type, même si ça, au final, ça aboutit pas. J'ai d'autres exemples, enfin, dont je vais pas parler parce que ça sort du sujet, mais oui, il est important de prendre contact avec les gens. Après, eux-mêmes, on peut avoir des idées. Ah, est-ce que vous avez pensé à demander à tel ou tel, etc. Typiquement, hein, je suis allé voir le responsable culturel de la ville de La Chaux-de-Fonds. Et puis, il me dit, mais vous connaissez les délices de Suzy? Je dis, non, c'est quoi? C'est un groupe de musique qui fait qui fait des reprises, enfin, qui joue des partitions oubliées de la belle époque. Ils sont là à Chaux-de-Fonds, etc. Donc, c'est eux qui m'ont mis en lien avec ceux qui ont fait la musique. Donc, ça, c'est très récent. Donc, on a l'enregistrement de musique inédite de la belle époque. Pour pouvoir sonoriser du coup les parties de la Oui, Chaux-de-Fonds. alors, ça sonorisera a priori le scénario double table. Là, tu as de l'exclu, là. J'en ai pas encore parlé. Ah ouais, super. Non, voilà, donc les institutions, elles sont aussi. Il faut pas juste envoyer un dossier en disant. Ben, certaines institutions, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, elles ont toutes des sites internet, elles expliquent toutes très bien ce qu'elles attendent et ce qu'elles peuvent donner. Comment s'y prendre au mieux. Ils cherchent des choses originales, et puis le jeu de rôle, mais c'est tellement non, enfin, c'est tellement ce qu'ils recherchent. C'est du jeu, donc ça a un aspect amusant, donc il y a l'aspect ludique, mais également c'est un truc social, parce qu'on joue autour d'une table. C'est un truc qui est culturel, parce que c'est porteur de culture. Et puis en fait, ça entre dans tous les cadres qu'ils recherchent. Pour moi, maintenant, pour proposer des projets. Après, il faut bien ficeler son projet, mais moi, je pense qu'ils m'ont donné de l'argent avant tout, parce que derrière, j'avais aussi des soutiens du Festival de jeux de la Chaux-de-Fonds, parce qu'ils m'ont rencontré, et puis que je leur ai prouvé ma bonne volonté dans le projet, etc. Donc, ça Est-ce joue que tu veux aussi sur nous la dire confiance. que le média jeu de rôle, aux yeux des institutions, n'est pas moins crédible qu'un autre média, quoi? Ça, c'est clair. Je dirais même que pour l'aspect ludique, il est même un peu plus crédible. À mon niveau, je pense que la grosse difficulté du côté jeu de rôle, c'est plutôt que c'est un média contraignant, qui demande. Voilà. Ça, on en parlera plus tard, en effet, ouais. Tout à fait. Ça, Ça peut être le c'est seul le même. frein. Le problème, bon, moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont là, ouais, et puis vous pouvez faire jouer combien de personnes? Ouais, oui. Et Voilà, ça, c'est la contrainte. puis ça, c'est la grosse contrainte. C'est évidemment Donc, que si tu cherches des subventions pour réaliser un film, par exemple, ils savent que le film, il y a un potentiel de spectateurs. Parce que c'est vrai que les institutions, ce qui est logique, hein, on distribue l'argent public, ils se posent la question de Oui, combien de mais personnes ils peuvent toucher, quoi. attends, 18 000 francs que j'ai reçus. Si je cherche des subventions en Suisse pour des films, ben en fait, je vais en recevoir beaucoup plus, tu vois, parce Ouais. qu'un budget d'un film ou de la création d'un jeu de rôle, c'est juste pas comparable. Oui, puis bon, Et il y a aussi quand même le nombre de puis, personnes que ça a touché, en plus de ça, quoi. ben moi, je suis. Ouais, effectivement, parce que. Alors, effectivement, pour de l'animation pure, c'est compliqué. Par contre, je pense que le La Chaux-de-Fonds 104 s'est joué auprès de plein de personnes, dans toute la francophonie, parce qu'il y a des gens qui ont acheté le bouquin, parce qu'il y a des gens qui font des retours, comme quoi ils ont fait jouer le scénario, etc. Moi, je pense que j'ai pas à avoir honte par rapport à un public d'un film, Ouais, ça se trouve, il y a peut-être 500 000 personnes ou peut-être même plus Ben qui ont voilà, mais déjà joué à la chaux de après, fond, quoi. je pense Ou que lu la chaux de fond, quoi. après, c'est pas ça qui importe. Faut pas se comparer avec le cinéma, puis voir lequel a la plus grosse, quoi. C'est deux médias différents. On a chacun nos contraintes, et puis il faut jouer avec ça. Ouais. Moi, la solution que j'ai trouvée pour la Chaux-de-Fonds 204, c'était de faire un scénario sur mesure qui dure à peu près 1 heure. Comme ça, bah, ça défile, quoi. Enfin, ça défile. On peut faire jouer plus de monde, et puis c'est aussi la contrainte des gens qui ont du mal à s'engager pour une animation qui dure plus d'une heure. Alors Lionel, si tu permets, parce qu'en plus ça, si on développe ça, en fait, on va empiéter sur la suite et on va peut-être passer Non à problème. Grégoire, si tu es d'accord. Alors, je suis d'accord. Merci. Ok. Donc moi je suis donc originellement je suis issu de l'éducation relative à l'environnement, en tout cas de l'animation pédagogique qui va dans ce sens-là. Et après un déménagement, je suis arrivé dans une situation où j'avais plus moyen d'exercer mon métier initial. Et en tant que rôliste et joueur depuis très très longtemps, j'ai eu l'occasion de m'insérer dans le projet éducatif local de ma commune en proposant des ateliers d'animation périscolaire liés au jeu. Donc au début, je faisais des petits jeux de société, et puis au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion de proposer des parties de jeux de rôle aux enfants. Donc les parties se déroulaient le midi. Donc on avait, on va dire, 45 minutes, 1 heure, oui, 45 minutes de jeu exactement. sur 6, 7, 8 séances parfois. Donc dans ce cadre-là, j'ai surtout bricolé des choses perso, entre autres un système. Alors je ne sais pas si on m'entend. Si. Ouais. Surtout un système inspiré de du jeu Psyrun de Mike Baker, où les joueurs à chaque action sont confrontés à un choix multiple, on va dire. Est-ce que je vais réussir mon action? Qu'est-ce que cette action va apprendre à mon personnage? Et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de la situation à partir de cette action? Donc ma démarche, c'était de travailler à partir de photos d'art. Et donc à partir de ces images, chaque enfant prenant une image comme support de création de personnage, on va dire. Donc les joueurs pouvaient développer leur univers et proposer au fur et à mesure de la partie de l'adversité, des choses à explorer. Donc c'était l'occasion vraiment de découvrir de façon J'ai une question. un peu libre. Oui, vas-y. Donc, en fait, tu as modifié un système déjà existant. Ou alors, oui, de très loin. Vas-y, oui. Oui, justement, parce que là, il y a cet aspect des photos. Est-ce que vraiment, dans ta démarche, tu es allé par tâtonnement ou tu t'es dit, voilà, ça c'est l'objectif que j'aimerais pouvoir faire jouer les enfants. Et puis, tu as créé ton jeu par rapport à ces objectifs. Tu es Alors, allé par tâtonnement. les deux. J'ai participé au Démiurge en herbe numéro 6. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de créer un jeu qui s'appelait L'Avergne des Ombres, où tout se basait sur les images, que ce soit la création de personnages et l'aventure. Et à partir de là, je me suis dit, oh, bah, c'est pas une mauvaise idée, et si j'exploitais cette idée-là en animation? Surtout que c'est une technique d'animation que je connais depuis longtemps, qu'on appelle le photolangage, que j'ai utilisé beaucoup en animation et en éducation relative à l'environnement. Donc c'est vraiment une technique issue des surréalistes que je connaissais. Donc partir de là, de ce photolangage, et dire voilà, l'idée donc de m'inspirer de Psyrun, c'était de proposer, d'exploiter l'action et de dire. Dans une action, il n'y a pas que le but à atteindre qui est important. Dans une action, il y a certes ce but, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on apprend et quelle perception on a de l'apprentissage lorsqu'on exerce cette action et comment on perçoit le monde lorsque l'on agit. Donc ça, c'était ma façon d'interpréter. Le jeu de Mike Baker et de donc dans le jeu de Mike Baker à chaque fois qu'il y a un jet de dés il y a comment dire il y a plusieurs décisions à prendre et on choisit de répartir ces dés en fonction de ce qu'on veut privilégier dans l'action. Là j'ai repris ce concept pour pouvoir le mettre dans ce côté exploration d'images. Alors en l'occurrence c'était des images de forêt. On est ici dans le pays de Brocéliande, donc c'était des images de la région, des images. Alors il y avait la fontaine de Barenton, il y avait le hêtre à Pontus, il y avait le Val sans retour. Enfin voilà tous les lieux mythiques du pays de Brocéliande. Et les enfants, à partir de leur propre imaginaire, ben, pouvaient s'insérer dans ce côté culturel. Donc ça c'était un premier type d'intervention. Alors, est-ce que tu peux, un petit peu dans l'esprit des rapports de parties, hein, des ateliers imaginaires, est-ce que tu peux Ouais. au moins citer de tête une scène de jeu de rôle où c'est mis en œuvre là pour qu'on comprenne bien Oula, ça remonte à quelques années. Une scène de jeu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ou alors juste nous expliquer comment tu le ferais jouer, quel genre de questions tu poses au joueur en montrant la photo, enfin Exemple, le château de Trécesson, qui est un château, comment dire, plein de légendes au niveau du pays de Brocéliande. Le château de Trécesson est réputé pour avoir une dame blanche qui le hante. Donc, présentation de la photo aux enfants, je leur montre la photo, alors qu'est-ce que ça vous inspire, etc. Et tout de suite, il y a eu des fantômes qui étaient dans le château. Ouh. Voilà. C'est pas moi du tout qui ai amené la chose, mais quand il y a généralement un blanc, je dis ben voilà, cette image, c'est le château de Trécesson, vous savez ce qu'il y a dans le château, et comme les enfants sont originaires de la région, ben ça leur permet de s'exprimer sur ce qu'ils en savent, quoi. Et donc en Alors ça, c'est effet. une création par les joueurs, on va dire, c'est une prise de responsabilité sur le décor. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font avec leur personnage, quoi? Alors, avec leur personnage, comment dire, au tout début de la partie, il y a des éléments d'adversité qui émergent dans les discussions en fait avec les joueurs. Le Moi, fait qu'il y ait des j'ai fantômes dans le château, par voilà le fait exemple. qu'il y ait des fantômes dans le château, que ça allait être important, que sur une autre image, il y avait un sorcier maléfique qui essayait de lever des morts. Alors, ils étaient très très à fond sur les zombies à ce moment-là. Alors pourquoi ce sorcier maléfique cherchait à lever des morts? Quel lien avec les fantômes? Donc, tout en explorant, en se posant la question de ce qui se passait, les enfants sont allés chercher une partie des réponses dans le château de Trécesson et ont commencé à explorer les lieux. D'accord. Donc voilà, ça a été C'est une animation. Ça se passait comment? Tu étais seul Je suis animateur seul animateur. avec combien de gamins? Là, j'en avais 6, donc ça, c'est des animations assez lourdes quand même. Donc, 6 six enfants qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle, évidemment. J'ai fait bien pire. Voilà. Ouais. Mais c'était assez sympathique puisqu'on partait vraiment de leur. C'était dans quel cadre? C'était. Alors, c'était dans le cadre des animations périscolaires de la commune, il y a toujours, non, il y avait d'ailleurs, 1 heure de temps d'animation. Alors, les enfants pouvaient faire du ping-pong, du basket, de la peinture, de la sculpture, de la création d'histoire. Et puis moi, bah, j'anime des ateliers de jeu dans ce cadre-là. L'objectif était de sensibiliser au niveau culturel ou artistique, c'est ça? Les objectifs, alors moi ce sont pas. J'ai des objectifs personnels quand j'anime ce genre d'atelier, et il y a les objectifs de la commune. Au niveau de la commune a signé un projet éducatif local avec la région, comment dire, avec l'État, avec la CAF, donc avec plusieurs partenaires institutionnels. Grâce à ça, en proposant ce projet, ils ont des subventions. Grâce à ces subventions, ils peuvent mettre en place des animations. Et ils cherchent à répondre à des objectifs assez larges. En l'occurrence, moi je dois rentrer dans une case de type ouverture à la culture ou des choses comme celle-là. Moi, à titre personnel, étant animateur environnement, mon objet, c'est d'amener les enfants à s'exprimer sur leur milieu de vie. Voilà. Il faut qu'on rappelle que ta définition de l'environnement, c'est pas uniquement l'écosystème, quoi, hein. Voilà, c'est assez large. Il y a une définition très, comment dire, très Ok, plurielle de l'environnement. d'accord, c'est intéressant. Dans un autre cadre, l'année d'après, j'ai repris à peu près le même concept en changeant, en bidouillant un petit peu les règles, mais j'ai repris le même concept en partant d'une image de la cour d'école. Donc ça, c'était par contre en accord avec les coordinatrices enfance jeunesse de la commune. Donc en partant sur la cour d'école, et alors cour d'école, j'ai repris l'image que j'ai un peu photoshopée ou gimpée en l'occurrence pour y mettre un grand brouillard et des silhouettes de créatures fantastiques. Et à partir de là, j'explique aux enfants que ce matin, ils venaient à l'école comme d'habitude, sauf qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'air, qu'il y avait beaucoup de brouillard. Et quand ils arrivent à l'école, ils repèrent ces silhouettes. Et ils se rendent compte qu'eux-mêmes sont différents. Et là, bon, on balance plein de questions. À quoi ils ressemblent? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils se retrouvent en gros dans un monde un peu fantastique? Qu'est-ce qu'ils voient? Et là, J'ai une question là. oui. Ils jouent leur propre personnage ou ils jouent des personnages On va dire à cet âge-là, la distinction entre le joueur et le rôle est Ils ont assez quel âge, ténue. rappelle-moi. Oh, j'ai tenté avec des CE2, c'était assez chaud, mais C'est ce qu'on met quel âge, CE2, c'est, lesquels? CE2, c'est 9 ans. Ok, d'accord. Ouais. C'est un peu trop tôt. Avec les CM1, CM2, donc 10, 11, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Comment dire? Du coup, je sais plus où j'en étais. Donc, t'as Moi, les. j'ai d'excellents souvenirs de parties de jeux de rôle avec des tout, tout petits. Oui, Donc, c'est super sympa, oui, tout à ouais. fait. Et puis ça part dans tous les sens, hein. Enfin, là, il n'y a pas de problème. La posture d'auteur, ils apprennent volontiers, hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'était en partant sur leur cours d'école, et là, ils partaient dans un délire total. Là, le but, c'était plus de voir leur environnement proche, leur environnement quotidien sous un autre regard. C'était plus ça mon but. Et on est parti dans des histoires fantastiques avec l'école qui se transforme au fur et à mesure, qui gagne des étages, et on se retrouve dans une espèce de labyrinthe médiéval à partir de leur école. C'est une construction incroyable. La dernière année, j'ai fait plus dans le conventionnel, toujours en partant avec ces images, les mêmes images. J'ai animé une partie de Dungeon World. Donc là où le rôle était plus cadré. Voilà. Où ils choisissaient leur type de personnage. Mais finalement, c'est un peu plus contraignant. Parce que la règle, elle est plus lourde. Et il y a donc tout un travail d'animation et comment dire, d'explication des règles qui est assez contraignant dans un temps si court. Aujourd'hui, nous en France, on a eu une réforme des rythmes scolaires, on va dire. Cette réforme a vu ces temps périscolaires du midi disparaître en faveur de temps d'animation un peu plus long l'après-midi. Donc ça, c'est l'avantage. Au lieu d'avoir 3 quarts d'heure, 1 heure, maintenant on a 1 heure et demie d'animation. On a plus donc de temps de présence avec les enfants, de face-à-face pédagogique. Et donc ça, c'est le côté positif. Le côté un peu négatif, c'est que la quantité du public a également changé. Aujourd'hui, les groupes les plus légers tournent autour de 8. Je me suis retrouvé à de l'animation de groupes de CP avec 13 joueurs. Donc là, c'est quand même pas mal lourd, et donc c'est complètement impossible pour du jeu de rôle. La semaine Alors dernière. là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que Bah, c'est beaucoup trop lourd en tout cas pour après, ça dépend. Ouais, Enfin, si tu je veux vais en bien, parler dans la Lionel, en deuxième fait, partie. dans la deuxième partie, on a un thème justement sur cette Voilà. contrainte-là, Ouais. effectivement quand même problématique du nombre de joueurs. Bon, visiblement, ce qu'on retient, c'est que Grégoire, dans ton cas, pour le moment, t'as pas trouvé la solution pour animer du jeu de rôle avec 13 gamins, quoi. Voilà, je ne l'ai pas non plus forcément cherché, je pense que ça existe parce qu'il y a des expériences ayant traduit 2-3 bricoles sur PTG-PTB, il y avait comment dire, un Bah, on rôliste. en parlera peut-être tout à l'heure si Ouais, tu veux bien. voilà. Du coup, peut-être bref. plutôt enchaîner sur ton Ouais. expérience sur les Uchronies? Tout à fait. Récemment, à peu près avec la même démarche que mon travail avec le périscolaire, on a une nouvelle médiathèque qui s'est ouverte dans la commune et bon, je suis allé rencontrer le directeur en disant bah, en me présentant. Tiens, voilà, bah, moi j'anime des ateliers jeux pour la commune. Si vous souhaitez, bah, je sais pas, animer des thèmes quelconques, est-ce que ça peut peut-être vous intéresser, que ce soit sur des jeux de plateau ou du jeu de rôle. Ah, vous faites du jeu de rôle? Ah, bah j'en ai fait aussi. Et de fil en aiguille, il m'a dit, bah, écoutez, je vous rappellerai, on a un thème sur l'Uchronie. Il y a peut-être quelque chose à monter ensemble, faites-moi une proposition. Donc je lui ai... Oui. Je vais juste ajouter une remarque. C'est fou le nombre de portes que ça ouvre de simplement demander. Oui. Moi, c'est une remarque que j'aimerais faire d'une manière globale. Tout à fait. Des fois, enfin, ça coûte rien de discuter avec les gens, de demander. De toute façon, ils vont pas jeter des pierres. Enfin, bref. J'ai le jeu de rôle, faut pas hésiter à l'animation, mais aussi peut-être de convention ou autre. Faut jamais hésiter à demander aux gens des choses comme ça. Oui. Ouais, surtout ouais. Que bon, je sais pas comment ça était dans les années Mireille Dumas, les années 90. Mais ça, c'est fini. Mais je pense que aujourd'hui, la plupart des gens ont un regard assez bienveillant sur le média, quoi. Tout à fait. Oui, c'est clair. D'autant que il y a eu beaucoup de rôlistes dits de l'âge d'or qui aujourd'hui sont dans les institutions, étaient ados à l'époque et aujourd'hui ont les manettes entre les mains. Exactement. Et qu'au contraire, ils ont tendance à nous ouvrir plus facilement les portes. Et puis, au fait, on passe pour un média entre la littérature et le jeu vidéo. Mm-mm. Et en fait, c'est quelque chose qui plaît bien. Parce qu'ils se rendent compte que, pour prendre la chose de Formule 104 hein, rapidement, oui, oui. Parler de littérature de la fin du 19e siècle à des jeunes, tu leur montres un Zola, ils voient les pêcheurs et puis ils partent en courant. Oui. Et puis le jeu vidéo, par contre, ils se disent, de toute façon, ils en font déjà pas mal, etc., à la maison. Et puis en fait, tu arrives avec un truc qui leur semble un peu. Enfin, moi, je leur présente ça comme ça, mais quelque chose qui est un peu hybride. Où, tu fais découvrir quelque chose de culturel. Moi, je pense que, en fait, le jeu de rôle, non seulement est devenu un média normal, mais je pense même qu'il a, de quoi séduire à notre époque. Oui, c'est bien possible. Alors, encore une fois, si vous le permettez, je pense que. On aura l'occasion, à mon avis, d'étayer les mérites, entre guillemets, du média. Je pense qu'on va plutôt, du coup, passer à l'expérience sur les uchronies, là, de Grégoire. Ok. Donc, il m'avait demandé un document de, on va dire, de présentation et de proposition. Document que j'ai réalisé en passant pas mal de temps dessus, quand même, parce que... Ça m'a questionné cette histoire du chronique. Je me suis interrogé sur ce qui existait dans notre média qui me permettrait de proposer une animation autour de ce thème. J'ai relevé on va dire trois approches. Une approche qui serait de l'ordre des voyageurs temporels qui débarquent dans une époque et qui font un peu la police du temps. Une deuxième approche qui était plus dans l'optique de on joue un jeu historique et puis d'un moment donné dans cette partie historique il y a quelque chose qui se déclenche et on passe en uchronie. Et le troisième aspect, c'est on joue dans un univers qui a déjà défini une uchronie. Et si les extraterrestres s'étaient installés en forêt de Fontainebleau à l'époque de Louis XV, voilà. Donc c'est les trois types de jeux. Donc j'ai bien développé ces trois types de jeux. Je lui ai fait une petite proposition, s'est rencontré et il s'est avéré que on a donc développé un pré-projet où les joueurs vivraient le moment historique et le passage à l'Uchronie. 2 heures d'intervention. Eux se chargeaient de la communication et de recruter le public. Pour ça, j'en ai fait un peu plus que ce qui était demandé, on va dire. Je me suis bricolé un petit hack. À la sauce Apocalypse World, en m'inspirant pas mal d'un jeu d'Epidaya Ravachol qui s'appelle Times and Temps, Et j'ai eu l'occasion donc d'animer trois sessions sur trois époques différentes. La première époque, c'était la Grande Guerre. La seconde époque, c'était la conquête romaine de l'Armorique. Et la troisième époque, c'était la guerre froide et surtout la conquête spatiale. Est-ce que je rentre dans le détail de l'animation à proprement parler ou Moi, j'avais une question. Bah, vas-y, Lionel. Ouais, c'est plus par rapport. Là, tu parles que tu as fait un hack et puis aussi avant. Est-ce que tu as formalisé ces jeux ou ces animations pour qu'elles puissent être éventuellement refaites par d'autres hein, ou c'est quelque chose que tu as dans tes cartons ou dans Alors, ta tête? j'ai partiellement formalisé pour cette animation en médiathèque, j'ai deux outils. Le premier outil, c'est on va dire les cinq archétypes de personnages jouables. Donc, pour ceux qui connaissent le Apocalypse World, les cinq playbooks. J'ai un ensemble d'aides de jeu liées à l'époque et au scénario. Le scénario en lui-même n'est pas posé et s'inspire d'une situation historique. Situation historique, donc où alors il y a sur les aides de jeu, j'ai des visuels de certains personnages historiques, j'ai quelques lieux en photo, j'ai parfois une trame temporelle, j'ai un omnoscope, j'ai un trombinoscope, bref, les outils dont j'avais besoin pour animer ma partie. Donc le contexte historique était plutôt dans ma tête. Mais tout le reste, tout ce qui me permettait d'apporter des visuels aux joueurs, d'apporter des informations en cours de partie, je l'avais sous la main. Voilà. Donc, à mon avis, c'est utilisable parce que pour ceux qui connaissent la mécanique Apocalypse, les cinq playbooks sont parfaitement réutilisables. Et je reste à la disposition de ceux qui voudraient l'utiliser. Je pense que j'ai dû le poster sur Google Plus dans la communauté jeux de rôle. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà. Thomas, je rentre dans le détail de l'animation à proprement parler ou... Ah ben alors, concernant le détail, j'aurais plusieurs questions. Ouais. C'était combien de joueurs t'avais, quel était leur profil? Alors, oui. Je finis. Oui. Donc, quelle époque ça se passait? Qu'est-ce qu'ont fait les joueurs? Enfin, qu'est-ce qu'ont fait leurs personnages? Oui. Et c'est quoi l'Uchronie qui se déclenche en cours de partie? Et D'accord. Puis, pour finir, combien de temps t'as joué, quoi? Ok. Alors, donc les parties ont été assez différentes. Alors, les joueurs qui ont participé étaient vraiment, vraiment différents. À chaque fois, j'ai au moins eu un rôliste. Pour la première fois, c'est des amis que j'ai contactés parce qu'il fallait boucher les trous parce que la communication n'avait pas été suffisamment efficace pour avoir assez de monde. Donc j'ai eu deux potes qui se sont joints à la partie. Sinon, dans cette première partie, j'ai eu un ancien rôliste qui avait joué il y a longtemps à l'appel de Cthulhu et deux néophytes. Deux complets néophytes. Dont un semblait assez intéressé et prêt à rejoindre l'association locale. Deuxième partie, j'ai eu donc une rôliste que je n'avais pas invitée mais qui est venue et un papa avec son fils de 13 ans. Et deux complets néophytes également. Pour la dernière partie, j'ai eu deux rôlistes non invités qui se sont inscrits parce qu'ils ont vu passer l'information. Le papa et son fils sont revenus et un jeune de 17 ans de la partie précédente devait venir, mais étant pompier volontaire, il s'est désisté au dernier moment. Donc la place n'a pas pu être comblée. Donc j'ai eu 5 et 4 joueurs. J'avais posé une limite de 5 joueurs pour pouvoir faire des parties confortables. Donc on a eu 2 heures de temps Pour la première partie, j'ai respecté pile poil le timing, peut-être avec un quart d'heure de débordement. Pour la deuxième partie, on a joué avec un membre de la, un employé de la médiathèque qui était seul à fermer les portes. Donc, on est resté, on a fait un peu de, on est resté 1 heure de plus. On a fait 3 heures de partie. Et pour la dernière, comment dire, le professionnel de la médiathèque qui restait sur les lieux ne jouait pas. Donc, on a respecté le timing. On est resté dans les 2 heures. La mécanique voulant que l'Uchronie se débloque durant la partie, alors il y a eu des tensions sur l'Uchronie dans chaque partie. Peut-être tu peux nous dire à quelle époque ça se passe. Alors la première époque, c'était la Grande Guerre. D'accord. Alors, durant la Grande Guerre, moi j'avais comment dire, préparé quelque chose d'un peu trop lourd. J'avais prévu une première partie, j'avais surévalué comment dire, le temps dont on disposait. La première partie sur la rencontre avec un général qui débarquait de Grèce juste 9 jours après la déclaration de guerre. Et j'envisageais de faire la seconde partie sur la tragédie des fusillés pour l'exemple de Vingré, de Nouveau-Vingré, dans l'Aisne. Et ce général étant celui qui a ordonné les exécutions. Malheureusement, on n'a pas pu du tout faire la seconde partie. On n'a fait que la première. Et il y a eu Uchronie, c'est-à-dire que les joueurs avaient pour mission temporelle de conduire le général jusqu'à Belfort, de Marseille à Belfort. Et il s'est avéré que dans la voiture de ce général, il y avait un lieutenant qui était épris de la fille du général. L'Uchronie qui s'est déclenchée, c'est que ce lieutenant, au lieu d'aller mourir comme prévu, comme c'était prévu dans l'est de la France, a volé la voiture du général, l'a laissée sur le bas-côté et est parti rejoindre sa bien-aimée dans le Lot. L'Uchronie, c'est donc que le général n'a pas pu arriver à Mulhouse pour gagner la bataille et que finalement ce lieutenant qui devait décéder lors de cette bataille est toujours vivant. Donc on s'est arrêté à ce moment-là. Mais alors, c'est-à-dire que les joueurs, est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose Ah, pour empêcher le complètement. vol de la voiture? Ah, tout à fait. Ok. Tout à fait. En gros, ça c'est Bon, une donc des. on reste vraiment dans du rôle, quoi. Tu Oui, te contentes pas de leur complètement. raconter ce qui se passe, Non, quoi. non. Ce qui s'est passé, c'est que donc dans la mécanique de jeu, les joueurs en arrivant dans leur époque se choisissaient une identité, on va dire. Cette identité leur donnait des prérogatives, des possibilités. L'un des joueurs a choisi d'incarner un député et de posséder une grosse voiture. Il a utilisé sa voiture pour emmener le général de Marseille à Belfort. Et durant les événements, la mécanique de jeu aidant, il s'est avéré que, il y a eu un incident temporel. Et cet incident temporel a amené une uchronie. À ce moment-là, j'ai donné la casquette d'auteur aux joueurs en leur disant, ben voilà, il y a eu une uchronie. Il se passe quelque chose. Il y a eu 2 points, on va dire, de paradoxe ou d'incident temporel au centre de la table. Il y aura donc 2 événements qui devaient arriver normalement historiquement qui n'arriveront pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je crois que tu t'inspires de Microscope de Ben Robbins, c'est ça? Non, du tout. Du Ah tout, du ok, tout. Non, autant non, pour moi. pas pour le coup. C'est ce dont on avait discuté peut-être Ouais. à Tex, mais non. Là, je me suis Juste une discussion libre. Oui. Je me suis inspiré plus de Times and Temp d'Epidaya Ravachol. Et c'est une mécanique Apocalypse World. Complètement Apocalypse World. Éventuellement, je pourrais mettre le lien quelque part si tu le Tu me souhaites. l'enverras, tu me verras par mail et puis je mettrai. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette expérience-là avant qu'on enchaîne? Parce que je Bah, vois le temps qui disons tourne que là. ça vaudrait le coup de refaire les parties pour essayer de mieux cadrer au niveau timing, mais je pense que c'est valable partout. Toi qui as l'habitude de mener des parties, on va dire, avec différents joueurs, mais toujours la même partie, un peu comme le faisait Johan Scipion. Voilà, ça apporte quelque chose de refaire la même démarche, quoi. Ça permet de mieux Ouais. cadrer, de. Enfin, Ouais, tu parlais de. À un moment, tu dis malheureusement, on n'a pas pu faire la deuxième partie. On bah avait parce que c'est. discuté l'autre jour aussi du fait qu'il fallait peut-être lâcher prise d'un objectif en termes de quantité de narration. Enfin, je veux Ouais. dire, faut pas se dire. Bon, là, c'est pas vraiment du scénario ce que tu fais. Il me semble qu'il y a quand même pas mal d'improvisation, mais de se dire, c'est pas grave si j'ai pas pu caser toutes les scènes que je voulais, du moment qu'on a fait 2 heures quand même de jeu de rôle dans le thème qui est recherché, quoi. Voilà, complètement. Là, en l'occurrence, j'avais pas prévu de scène particulière. Moi, j'ai Mais prévu. t'avais quand même des objectifs, tu disais que t'avais au moins deux parties, t'avais Ouais, deux décors à traiter, quoi. voilà, j'avais deux décors, en effet. La chose, c'était que. Le principe, c'était de dire, je vous fais vivre le cours du temps normal. Alors, bien sûr, étant pas témoin de la chose, je peux difficilement faire vivre de façon. Complètement crédible le fil du temps, mais en tout cas j'ai essayé d'être le plus crédible possible. Je vous fais vivre cet épisode, et vous, durant cet épisode, vous avez des missions. Alors, mission très simple, hein, simplement aller accueillir le général à sa sortie du bateau. Faire en sorte que le général puisse aller à Belfort. Vous pouvez les refuser, les missions? Non, c'est pas trop l'objectif. Non, Ah ouais. ils sont envoyés comme agents temporels pour. Ah ouais. Ils devaient jouer comme des gars de bonne volonté, quoi. Voilà, oui. Alors, ils pouvaient faire en sorte de les foirer, les missions, ça posait pas de problème, mais voilà, le postulat, c'était vous êtes des chirurgiens du temps, on va dire, et vous êtes envoyés dans le passé pour faire des micro-ajustements. Et du coup, c'est eux, les joueurs, qui bousculaient le statu quo. À la différence d'une mécanique Apocalypse World classique, où c'est le maître de jeu, le maître de cérémonie, qui bouscule le statu quo des joueurs. Là, c'était l'inverse. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. D'un point de vue holistique. Alors en fait, si j'ai bien compris, tu leur demandes de préserver l'histoire ou de la changer? De la changer Ah oui, légèrement, c'est intéressant. Oui. sans trop foutre le dawa dans le fil de l'histoire. Et du coup, On pourrait imaginer des trucs fun, du genre on va aller tuer Hitler tout à fait, mais en ça, 1942. voilà, ça peut être complètement envisagé. Et la mécanique amène ça. Je ne sais plus au niveau des possibilités d'action, il y avait. Est-ce que je suis dans l'identité que j'incarne? Oui, non. Et si je ne suis pas dans l'identité, dans ce cas-là, j'ai un jet à faire. Est-ce que je vis quelque chose de dangereux? Oui, non. Si je vis quelque chose de dangereux, j'ai un jet à faire. Est-ce que je rentre dans une nouvelle identité? Dans ce cas-là, ça me permet d'avoir plus ou moins des capacités, du matériel, des passe-droits. Et est-ce que je veux utiliser ma capacité spéciale? Parce que chaque personnage avait une capacité temporelle spéciale. Certains pouvaient pouvaient faire arriver du matériel dans leur époque, avoir des contacts, même avoir le don d'ubiquité. Enfin voilà, ils avaient des petits pouvoirs comme ça, qui étaient assez sympathiques. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Grégoire, ou est-ce que je peux passer à ma partie? Non, j'ai rien à ajouter d'un point. Après, je suis pas sûr d'avoir complètement détaillé le côté animation de partie. J'ai plutôt détaillé l'amont, mais ouais, vas-y Thomas. Ok, merci. Bon, de toute façon, je pense que les gens peuvent. Si les gens veulent approfondir certains détails, ils peuvent toujours poser des questions via les commentaires, hein, du podcast. Je suppose que. S'il y a des questions à Lionel ou à Grégoire, je referai transmettre, hein, pour qu'ils puissent répondre, quand Pour même. le coup, j'ai. Alors, c'est mon évaluation personnelle, mais j'ai vraiment d'excellents retours de ceux qui ont vécu l'animation. Je ne regrette pas d'en avoir fait plus que pas assez. Super. Voilà. Ok. Alors donc moi ma partie, c'est moi ce dont je voulais traiter en fait, c'était de mon expérience autour de l'initiation au jeu de rôle. C'est-à-dire que j'ai été pendant un temps président d'une association de jeux de rôle de ma commune, hein, qui est la commune de Vannes dans le Morbihan, dans laquelle j'ai résidé pendant plusieurs années. Et donc c'était grosso modo entre 2006 et puis j'irai à la louche 2009 ou 2010 quoi. À l'époque, bon bah l'association était quand même débutante, hein, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc on avait une grosse préoccupation, c'était de bah, fabriquer en fait, enfin de trouver des joueurs. Et quoi. Alors bon, on pouvait faire des enfants, mais ça prend du temps. Donc l'idée c'était de trouver des personnes à qui on allait faire découvrir le jeu de rôle et qui possiblement allaient continuer à en faire et bah, si possible venir grossir les rangs d'associations, quoi. Puis je pense aussi qu'on avait sans doute une espèce de syndrome post-Mireille Dumas, entre guillemets, qui était de se dire bah, de redorer un petit peu le blason de l'activité, quoi. Parce que dans les années, j'irais fin début des années 2000, fin ou deuxième moitié des années 2000, le média entre guillemets commençait seulement à sortir de l'ignorance, c'est-à-dire que les, je dis pas que les gens étaient malveillants, bienveillants par rapport aux jeux de rôle, mais finalement c'était une activité qui avait un peu sombré dans l'oubli, quoi. Et donc, c'est vite posé le problème de faire comment initier des joueurs. Alors moi, les stratégies que j'ai optées, c'était de me dire que on allait effectivement essayer d'aborder les personnes ben, lors d'événements ludiques, hein. Généralement, en fait, on organisait des événements qui étaient toujours biclassés jeux de société, jeux de rôle. C'était peut-être bon après c'est toujours peut-être qu'on avait une fausse modestie à cet égard-là, hein, je sais pas, mais on se disait que les gens allaient venir pour faire du jeu de société et puis on allait les embrigader dans du jeu de rôle du simple fait qu'on proposait ça comme animation à côté, quoi. Moi ce que j'ai commencé par faire, c'était j'ai fait un petit jeu de rôle qui singeait l'appel de Cthulhu, cette espèce d'appel de Cthulhu très très light, où en fait il y avait une maison hantée à explorer, c'était calibré pour durer 1 heure, quoi. Assez tôt j'ai eu le sentiment qu'on pouvait pas, surtout sur un salon ludique, où il y avait concurrence avec beaucoup d'animations, et où on avait affaire à un public assez zappeur. On pouvait pas partir, enfin c'était difficile d'initier directement en proposant une partie de 4 heures. Bon après, je sais que la suite m'aura donné tort, puisque j'ai quand même, en fait quand je suis venu en convention en tant qu'auteur de jeu, j'ai quand même assez souvent initié des personnes au jeu de rôle avec des parties de 4 heures, quoi. Mais c'est plus un heureux hasard que quelque chose qui était recherché à ce moment-là. Quand je recherchais à initier, je partais toujours sur du format court. Ça a amené d'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, je descends même à un quart d'heure, quoi. Sur des jeux comme Marin de Bretagne ou Inforenza, qui sont des jeux perso, hein, je peux descendre à un quart d'heure, quoi. Et l'idée aussi principale que j'avais, c'était qu'il fallait des mécaniques qui soient simples. Mon espèce de hack de l'appel de Cthulhu, grosso modo, on avait 5 caracs de chiffrés de 1 à 10, hein, c'est vraiment de tête. Et puis à chaque fois qu'on avait un jet, il fallait faire. En fait, c'était du roll under. Par exemple, je sais pas si tu as 8 sur 10 en enquête, bah, tu jettes un des 10 et il faut faire au maximum 8 pour réussir ton jet d'enquête. Hein. Si tu vas avoir un score en baston, en esprit. Enfin, l'avantage, c'est que c'était un système où je pouvais aussi assez facilement improviser, changer de contexte. On pouvait faire du Medfan, il suffisait de remplacer, je sais pas, enquête par psychologie ou baston, ça pouvait tout à fait servir, quoi. Donc là-dessus, j'ai fait du Medfan humoristique, j'ai fait de l'appel de Cthulhu-like, et puis j'ai fait aussi du qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait du Ghostbusters là, aussi. Après, j'ai voulu faire quelque chose de plus sexy entre guillemets. Alors j'ai fait pendant un temps, j'ai monté une espèce de jeu qui s'appelait Le plus grand donjon du monde. Grosso modo, le contexte, c'était du médiéval fantastique. Ça se passe dans une ville, en fait, dans un nouveau monde qui vient à peine d'être découvert, quoi. Donc c'est un petit peu, ça fait un peu la conquête des Amériques, mais version médiéval fantastique, quoi. Et donc c'est une ville, c'est un port où les pionniers arrivent. Donc il y a plein de choses à faire. En fait, on arrive d'un autre continent, donc il y a plein de choses à faire quand on débarque, quoi. Tu te mets vraiment dans l'esprit d'un pionnier. Bah là, tu débarques sur une nouvelle ville, un nouveau continent. Qu'est-ce que tu fais? Donc rien que ça, c'était assez moteur d'intrigue. Et puis il y avait aussi le concept que la ville a été construite sur un donjon. En fait, les gens s'en fait. Enfin, la ville est construite sur une mine. Donc il y a un premier étage de souterrain où en fait c'est une mine où il y a tout un tas de minéraux à extraire. Et en fait la mine en elle-même est construite sur un donjon. Donc et évidemment il y a des du coup il y a une économie qui se monte autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui descendent dans le donjon pour récupérer des trésors. Et puis il y a des problèmes, c'est que les monstres qui sont dans le donjon, ils se privent pas pour remonter pour semer la terreur dans la ville, quoi. Là-dessus, pour rester sur mon idée de système simple, j'ai fait une quarantaine de personnages pré-tirés avec les règles de Barbarians of Lemuria. Donc Barbarians of Lemuria, c'est vraiment très simple, hein. Je crois que tu as 3-4 compétences, tu jettes 2 dés, tu rajoutes un dé si tu as la bonne compétence, il faut faire un score de 7. T'as des petits traits en plus bon, qui typent un peu le personnage et puis qui peuvent permettre de rajouter un dé, je crois, enfin, de tête, hein, parce que ça a déjà 4-5 ans dans ma tête, je me rappelle plus exactement comment ça fonctionnait. Mais bon, c'était très très simple à expliquer. Et comme je voulais que ce soit sexy, j'ai mis beaucoup de visuels dans le sens où j'ai utilisé les dalles de Cadvalon. Cadvalon, c'est un jeu de rôle et aussi un jeu de figurines urbain, mais c'est de l'urban fantasy. Et donc il y a plein de plans quadrillés, de villes et de souterrains. Donc ça fonctionnait très bien pour visualiser en fait le plus grand donjon du monde. Et j'ai utilisé aussi les figurines de Descent. C'est-à-dire que pour chaque. L'avantage du jeu de plateau Descent, c'est un jeu de plateau de porte-monstre trésor. C'est qu'il y a, je crois, il y a 20 ou 30 figurines de héros. C'est vraiment copieux, contrairement à un HeroQuest ou un Warhammer Quest où on n'a que 4 héros différents. Là, il y a quand même 20 ou 30 héros différents. J'avais fait un pré-tiré pour chaque avec les règles de Barbarians of Lemuria. Donc c'était très simple à expliquer, c'est-à-dire que je posais les figurines, les joueurs arrivaient, puis je leur demandais, choisis une figurine, quoi. Et puis ils choisissaient la figurine, et puis je leur filais le pré-tiré qui allait avec ça, quoi. Et puis bon, pour tout ce qui était monstre et PNJ, j'avais plein de figurines à disposition. Donc ça, c'est vrai que ce côté visuel, je trouvais que ça attirait l'œil, ça attirait du monde. C'est-à-dire ça attirait des joueurs, mais ça attirait aussi des spectateurs qui venaient au début pour regarder les figurines et puis qui regardaient les autres jouer. Et ce qui était important aussi pour moi, c'est qu'il fallait que ce soit en table ouverte. Alors la table ouverte, c'est un concept qui a été inventé par, enfin à ma connaissance, hein, qui a été inventé par imaginer.net. C'est l'idée de dire qu'une partie de jeu de rôle, c'est pas forcément un temps précis avec tout le monde à la table en même temps, quoi. Quand tu joues au Monopoly, bon tout le monde joue pendant 1 heure, quoi, et voilà, c'est tu restes du début à la fin. Et puis la plupart des parties de jeu de rôle telles qu'on les conçoit, c'est comme ça. En fait, en table ouverte, on pose un contexte qui justifie que les personnages puissent aller et venir. Par exemple, d'ailleurs, on avait testé en semi-soirée enquête, une table ouverte qui est proposée par imaginer.net, c'est le saloon de la dernière chance. C'est du western, ça se passe dans un saloon. Un saloon, il y a des les si ton personnage peut rentrer, il y a déjà des choses qui ont commencé avant, donc tu peux prendre le jeu en cours de marche. Et puis, si tu quittes le saloon, tu quittes le jeu, donc tu peux aussi jouer 10 minutes et puis te barrer, et puis même revenir une demi-heure plus tard, reprendre ton personnage ou un nouveau personnage. Donc c'est vraiment un excellent prétexte. En fait, on a une espèce de huis clos qui est plus ou moins grand. Bon, le saloon, c'est petit. Le plus grand donjon du monde, c'était plutôt grand. C'était à l'échelle d'une ville entière. Et donc, assez souvent, j'ai des joueurs qui venaient, ils jouaient une demi-heure, ils repartaient, ils revenaient après. Et ce concept de jeu en table ouverte, je l'ai réessayé ré très récemment, en fait, l'année dernière, avec Inforenza. En fait, j'étais dans le cadre des. Bon, j'avais pas tellement cet objectif d'initiation, mais j'avais l'objectif entre guillemets de faire jouer le plus grand nombre, qui était assez proche finalement. Et puis quelque part, j'ai quand même fait de l'initiation aussi à cette occasion-là. Donc c'est lors des Utopias à Nantes, c'est un gros festival de SF. Donc il y a des conférences, il y a des auteurs de SF qui se déplacent, t'as plein d'expos. T'as du jeu vidéo, t'as du jeu de société, puis enfin il y a du jeu de rôle. Donc on a un public quand même assez dilettante, c'est-à-dire que le public, les gens veulent bien faire du jeu de rôle, mais c'est pareil, se bloquer sur 4 heures alors qu'il y a un programme hyper alléchant, des expos, des conférences, des tables rondes, c'est pas facile pour tout le monde. Donc l'idée d'avoir aucune contrainte temporelle en termes d'engagement, c'était intéressant. Et effectivement, moi, j'ai des gens qui sont restés 5 minutes, j'ai des gens qui sont restés 3 heures à ma table. Et donc là, comment? Aux Utopiales, comme table ouverte, j'ai proposé du Influenza, donc qui est un jeu perso. Sur le contexte que j'avais choisi, c'était les chemins de Compostelle. Donc en fait, on joue, ça se passe sur les chemins de Compostelle. Donc là, en l'occurrence, mon huis clos, c'est le chemin. Donc c'est un huis clos en fait qui s'étend, on partait de Nantes, on allait jusqu'à Compostelle. Donc en fait, j'ai un huis clos quand même qui fait 1600 km de long, quoi. Et c'est le chemin de Compostelle transposé dans l'univers post-apocalyptique de Millevaux. L'intérêt de jouer avec le système d'Influenza, c'est qu'à Influenza, il n'y a pas de création de personnage. C'est-à-dire que tu arrives, tu décris vite fait c'est quoi ton personnage et tu joues tout de suite, quoi. Je ne vais pas expliquer en détail pourquoi il n'y a pas de création de personnage, mais ça, c'était vraiment un point fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. On enlève un petit peu. En fait, mon idée personnelle, quand je fais de l'initiation, c'est de pas demander un engagement excessif aux joueurs, quoi. Et le fait, par exemple, de devoir créer un personnage, c'est quelque chose qui peut prendre de 5 minutes à 4 heures selon les jeux, c'est quand même déjà un engagement, quoi. Là, l'idée, c'est que avec un système sans création de personnage ou avec des prêts tirés, et avec des règles simples, et avec. En plus, aucun engagement sur la durée, puisque si on est en table ouverte, on peut jouer 5 minutes comme on peut jouer 4 heures. On supprime vraiment la notion d'engagement. On est plutôt vraiment. Le levier que j'utilise, c'est pas l'engagement, on va dire, c'est la curiosité, quoi. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui fonctionne bien. Je pense que ça a ses détracteurs, hein. On a déjà discuté avec podcast de la cellule, notamment il y a un podcast de la cellule, le jeu de rôle pour tous, où en fait il y avait des chroniqueurs qui trouvaient que quelque part, en modifiant ainsi, en déviant ainsi de la pratique, on va dire, traditionnelle du jeu de rôle, en fait on croit initié au jeu de rôle, mais en fait on initie à une forme qui n'est pas présente après dans le commerce. Dans le sens où, si je te propose un jeu de rôle en table ouverte, que tu peux jouer un quart d'heure, qui a pas de création de personnage, c'est bien gentil, mais après, derrière, peut-être que tu vas pas trouver dans le commerce, un jeu qui propose la même chose. Donc, cette expérience de jeu de rôle que je t'aurais proposée, tu pourras pas le reproduire de ton côté. Et du coup, l'objectif d'initier au jeu de rôle serait un peu raté, dans le sens où finalement on initie à une espèce de forme hybride de jeu de rôle, et final c'est un petit peu comme si je t'ignore comme si pour t'initier à la moto je te faisais faire de la trottinette, quoi. C'était un petit peu la critique que j'avais reçue sur mes pratiques. Après, ma conclusion personnelle, elle était que aussi ce qui pouvait être contre-productif, c'est de chercher à tout prix à ce que le joueur, après avoir fait cette partie de jeu de rôle, il s'engage à en refaire. Et que je pense notamment les lieux où j'étais, c'est-à-dire des salons ludiques, les personnes, des fois, elles recherchent juste une expérience. C'est-à-dire, voilà, c'est pas grave si la personne ne refait pas du jeu de rôle, si à partir du moment où elle a quand même passé un beau moment, elle a eu cette expérience, c'est quelque chose qu'on a apporté à sa vie, quoi. Voilà, elle a vu ce que c'était le jeu de rôle, elle en refera, elle en refera pas, mais en tout cas, elle a passé un beau moment et ça va nourrir sa culture, en fait. La culture d'une personne, elle se nourrit d'expériences diverses. Et bon, c'est vrai que quand on est passionné par un loisir, dire, c'est ça, de vouloir que convertir des personnes, mais je pense que c'est bien aussi de vouloir un peu plus humblement leur offrir des expériences. Après, libre à elles de poursuivre l'expérience ou pas, quoi. Tout à fait. Je vous ai un peu parlé sans reprendre ma respiration. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça ou si vous avez des approches différentes. Non, je rajoutais quelque chose. Dire, c'est vrai que j'ai tendance à, en tant qu'animateur, j'ai eu un formateur lors d'une session éducation à l'environnement imaginaire qui nous a dit en tant que pédagogue, je m'en fous de l'environnement. En tant que pédagogue, j'en ai rien à faire de l'écologie. Eh bien, en tant que pédagogue, j'en ai rien à faire du jeu de rôle. C'est, je pose un peu comme ça, un peu de façon brutale, mais ça a tout son sens en fait. Je te rejoins assez en fait. Voilà. Ouais, tu t'en servirais plutôt comme outil pour créer une expérience plutôt que fin en soi, dans le Voilà, sens où effectivement, enfin, le ton prosélytisme. objectif, c'est pas de créer, de fabriquer des futurs rôlistes Voilà, je m'en en fous de ça. puissance, quoi. Voilà, exactement. Oui, donc effectivement, là, c'est deux démarches qui sont différentes. Le fait de vouloir faire découvrir le jeu de rôle ou utiliser le jeu de rôle pour faire quelque chose, c'est là que je vais revenir sur la chose de Formule 104, qui a le double projet, c'est-à-dire que le projet a pour objectif de faire découvrir la chaux-de-fonds à l'extérieur, et puis de faire découvrir le jeu de rôle dans la région de la chaux-de-fonds. Donc la démarche, quand je vais faire jouer un scénario ailleurs en France, ou surtout en France, ben en fait, je ne vais pas avoir la même démarche, je ne vais pas masteriser de la même manière que si je dois faire découvrir le jeu de rôle auprès de gens de la chaux-de-fonds. Donc, typiquement, tu parlais de la durée. Si je vais à une convention, au Chimériade, ou à Provins, ben je vais faire jouer la longue partie, 3-4 heures. De toute façon, j'ai des rôlistes en face de moi, et ils attendent aussi du solide en termes de scénario. Et si je dois faire l'initiation à la chaux-de-fonds, je prends le petit scénario de 1 heure. Donc, Sachant qu'à effectivement. la fin de la partie, tu peux débriefer, dire vous pouvez vous procurer tel livre, ou il y a telle association, ou vous pouvez faire du jeu de rôle plus tard avec moi, si vous voulez jouer plus long. En fait, cette approche du jeu de rôle, entre guillemets, Oui. plus classique, ou dans toutes ses formes, parce qu'aujourd'hui, c'est un loisir qui est devenu vraiment, c'est tel une hydre qui a quand même beaucoup de visages différents. L'idée, c'est qu'à la fin de la partie, tu peux, de toute façon, ta partie, ça va être que une façon de jouer parmi plein d'autres. Et donc à la fin de la partie, tu peux expliquer qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres lieux, d'autres occasions pour en faire, quoi. À fait. Pour finir avec l'initiation, moi je sais que, on va dire dans la deuxième moitié des années 2000, la difficulté que j'ai eue pour faire de l'initiation, c'était que clairement je ne trouvais pas dans le commerce. Peut-être que j'ai pas bien cherché, attention. J'ai pas trouvé dans le commerce une offre énorme de jeux qui me paraissaient adaptés. C'est-à-dire que sorti des jeux avec des créations de personnages en 1 heure, et puis des systèmes assez touffus, calibrés, et des scénarios calibrés pour jouer 4 heures et non pas 1 heure, c'était difficile. Et souvent j'ai eu l'impression que pour faire d'initiation au jeu de rôle, il fallait forcément s'improviser game designer. Aujourd'hui, je Alors, pense que la donne a changé. Il y a quand même dans le commerce, il y a des choses quand même beaucoup plus non, abordables. ouais, mais pour revenir avec ça, de toute façon, tu parles de produits de niche. C'est-à-dire que, enfin, dans le commerce, tu vas pas trouver de bouquins, de jeux de rôle adaptés pour le jeu en classe. Oui. Parce que simplement, ça intéresse combien de personnes? Il y a combien d'enseignants qui vont faire jouer en classe? Alors tu vas me dire, il y en a peut-être une cinquantaine. Puis cinquantaine, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est-à-dire que tu vends 50 livres. Il y en a peut-être plus, hein. Il À y en a mon avis, peut-être il y en a plus. plein. À mon Ouais, avis, il y en ouais. a plein qui seraient prêts à tenter l'expérience, Mais il y a, par exemple, pour le jeu de rôle en classe, le jeu comme le, comme en question, là, tu peux télécharger sur le site de la Bibliothèque nationale de France, là, il y a un jeu qui permet de jouer à la table ronde. Il me semble qu'il a été quand même en partie conçu pour être joué par des professeurs. Mais je vais pas en dire beaucoup plus parce que je vais peut-être développer dans la Ouais, deuxième partie tout ça. effectivement. Parce que je crois qu'il y a aussi des choses. Enfin, c'est pas aussi simple. Bien sûr. Moi, je. Ouais. Donc, mais je vais pas. Enfin, j'en parlerai un petit peu après. Très bien. Grégoire, je crois que tu voulais dire quelque chose à ce Ouais, sujet. non, je voulais partir en live sur la deuxième partie parce que je me Ouais, sens. on a très bien brillé. Alors juste, Ouais. du coup, on va pas faire de name dropping peut-être sur les jeux parce que le temps passe. De toute façon, je mettrai un lien vers le dossier. Et sur le dossier, j'ai quand même pris la peine de citer beaucoup de jeux en fait qui peuvent être utilisés en initiation ou en animation. Donc vous les retrouverez là. Hein. Il y en a vraiment, il y en a quand même une quantité hein, parce qu'il faut quand même rendre honneur au travail des auteurs actuels. Hein. Je pense notamment comment les Adventures Parties. Chroniques oubliées, mais il y en a plein d'autres. Hein. Bon, les mérites de chacun sont détaillés dans le dossier. Du coup, Grégoire, effectivement, pour inaugurer la deuxième partie, tu voulais parler du rapport entre jeu de rôle et animation. Ouais, et Et plus. peut-être critiquer la définition que j'ai donnée Pas au départ. forcément critiquer, mais D'accord. D'accord. amener des choses. Et surtout rebondir sur les expériences multiples qu'on a pu vous communiquer et de se poser la question de pourquoi on associe jeu de rôle et animation. Je vais, pour essayer de répondre à cette question et pour faire une proposition de réponse, en tout cas, je vais m'inspirer. De mon expérience d'éducateur à l'environnement et un peu calquer ma réponse sur ce qu'il se dit en matière d'éducation relative à l'environnement. Alors pourquoi on peut associer jeu de rôle et animation? Ben, Thomas, ton expérience est une première illustration. Pour le jeu de rôle, pour initier ou pour transmettre quelque chose lié au jeu de rôle. Donc déjà là, c'est la notion que j'avais expliquée au départ d'avoir un objectif qui se superpose au fait de simplement jouer. Quand j'initie, en fait, j'essaye de non seulement mon objectif c'est effectivement de faire une partie de jeu de rôle, de s'amuser, Voilà. mais aussi éventuellement de faire découvrir le média et inviter les gens à s'y intéresser et peut-être même à faire des parties ensuite, quoi, à rejoindre un club ou ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc là, c'est le donc la première posture, ce serait de dire moi je fais de l'animation pour promouvoir le jeu de rôle, pour amener des joueurs vers le média, pour éventuellement comment dire, ben, playtester mon jeu, par exemple, ça peut être un intérêt. On est dans le Ou le promouvoir, ou promouvoir ton jeu. Promouvoir, tout à fait. Donc ça peut être une première optique. Deuxième optique, c'est peut-être ce que. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à le transmettre tout à l'heure, mais c'est peut-être ce que j'ai vécu moi dans mes animations périscolaires avec les enfants. C'est-à-dire que, quelque part, peu importe le jeu de rôle, ce qui m'importe, c'est le public. Qu'est-ce que le public va en retirer? Et une notion d'apprentissage, est-ce que c'est ça? Voilà, là pour le coup, il y a une notion de pédagogie et d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que. Oui, qu'est-ce que. C'est centré sur le public, en tout cas. Et la troisième facette, après si j'en oublie, vous me le dites. La troisième facette, ce serait qu'est-ce que le jeu de rôle peut apporter en termes de. Alors, je vais parler de situation pédagogique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qu'est-ce que le jeu de rôle peut apporter en termes de. Si je peux me permettre, Ouais, vas-y. qu'est-ce que le jeu de rôle va apporter en plus qu'une autre manière d'enseigner ou de faire les choses? Quelle est la plus-value peut-être, non? C'est ça que tu cherches? Non, pas forcément, mais comment dire, c'est d'un Je point de pense que vue. Oui, c'est peut-être pas en vas-y. termes de plus-value qu'il faut raisonner, mais en termes de différence. Je te prends un exemple. En fait, je pense que l'intérêt du jeu de rôle, déjà, c'est que c'est un jeu. Dans le sens où, en fait, le jeu apparaît comme un espace où il n'y a pas d'enjeu. Alors, on sait tous que c'est plus ou moins faux, hein, de dire qu'il n'y a pas d'enjeu quand on joue. Parce qu'il y a deux définitions du jeu. Plus ou moins consensuel, c'est de dire qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu. Je veux dire, si je joue à Monopoly et que je perds, je ne vais pas vraiment perdre de l'argent, par exemple. Et aussi qu'il n'y a pas ou que si on fait du jeu de rôle PVP, ça ne veut pas dire que je vais me fâcher avec mes amis. Et aussi qu'on est tous volontaires, en fait. Alors là, c'est pareil, on pourrait en discuter parce que il est tout à fait possible qu'on fasse une partie de jeu sous la contrainte. Et c'est notamment une question, pour moi, ce qui fait débat, c'est notamment le jeu de rôle dans le cadre d'une classe où c'est pas forcément les élèves qui choisissent de faire l'activité jeu de rôle, quoi. Mais ceci dit, le fait que ce soit ludique, notamment, après je déborde peut-être sur ce que dit Lionel, ça permet d'apporter, une fraîcheur et peut-être entre guillemets presque l'idée d'apporter l'apprentissage en contrebande, tu vois. Il y a des élèves, ça peut-être pas. En fait, c'est plus sexy en fait entre guillemets d'apprendre quelque chose par le jeu que par un cours magistral. Et l'autre chose qui est peut-être moins que je trouve plus positive en fait que le simple fait de vouloir apporter un savoir en douce quoi. C'est que concrètement c'est quoi le jeu de rôle? C'est une simulation, c'est une réalité virtuelle et c'est une réalité virtuelle très puissante puisqu'elle se repose sur le moteur d'imaginaire qui est bon jusqu'à présent bien plus puissant qu'un moteur de jeu. Et la simulation, c'est l'espace d'apprentissage par excellence. Quand on fait, je veux dire, c'est un petit peu, si on s'entraîne à faire un combat dans les arts martiaux, en fait, c'est une simulation. Quand on fait de l'auto-école, c'est une simulation. Faire les, comment, on pourrait presque, après j'exagère, je fais un rapprochement peut-être un peu grossier, mais quand tu fais, tu sais, les cours de code avec, on te met en face d'une situation, puis t'as quatre possibilités à faire en tant qu'automobiliste, quelque part, c'est grossièrement un jeu de rôle, quoi. C'est parce que, en fait, il y a une situation fictive, et on te demande que faites-vous? Ouais, je vais essayer de garder un petit peu comment dire, la maîtrise de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Et en rebondissant sur le troisième type d'exemple. Donc je disais, on fait on associe jeu de rôle et animation pour le jeu de rôle. On associe jeu de rôle et animation pour le public. On peut aussi associer jeu de rôle et animation, comme on l'a vu dans les exemples de Lionel et peut-être dans mon exemple de médiathèque, pour enrichir une situation pédagogique. Par exemple, là, Lionel, toi, avec la Chaux-de-Fonds, tu as une démarche un peu touristique. Et donc, Ça dépend dans quel cadre. voilà, le jeu de rôle peut s'avérer être un média. Original, intéressant, pour amener des choses, pour présenter des choses. Donc Je crois qu'il y a un autre objectif qui me paraît important et peut-être que Lionel le fait quelque part avec ses jeunes à haut potentiel. Je pense qu'il y a aussi il peut y avoir un objectif thérapeutique. d'accord. Attention, comme je vais c'est pas un. entrer dans les détails. J'aime pas trop parler dans le détail de cette animation. L'objectif, donc je sais que le psychologue avec qui j'ai travaillé l'utilise à des fins thérapeutiques. Là, ce n'était pas uniquement à des fins thérapeutiques, c'était d'apprentissage avant tout, D'accord. qu'ils apprennent à contrôler, enfin à s'organiser en groupe, à prendre leur place dans leur groupe, Ouais. etc. Où est la part d'apprentissage ou de thérapie, ça, je suis pas habilité à le dire. Moi, j'avais juste la fonction d'être meneur de jeu dans ce genre Ouais. d'activité. Après, Ça me l'objectif semble un peu difficile. thérapeutique, ouais, c'est, je crois que c'est quelque chose qui est pas très, qui est, à mon avis, aujourd'hui, très peu défriché, quoi. Mais En réalité, qu'on soit clair, on ne faisait pas du jeu de rôle thérapeutique, on faisait du donjon bête et méchant, enfin bête et méchant. oui, mais comment Les dire, nains des elfes alors. qui tapaient du mob. Oui. Quand je dis thérapie, je dis pas que c'est ce que tu faisais, hein, parce que je veux pas prétendre connaître ton expérience mieux que toi. Du coup, je réfléchis plutôt en termes de, enfin, je réfléchis tout haut, quoi. Mais je pense qu'on pourrait utiliser le jeu et ou le jeu de rôle de façon thérapeutique, mais pas dans une comment, pas dans une optique de ce qu'on appelle les jeux de rôle psychologiques où on va utiliser le... enfin, on pourrait, mais c'est pas ça que je pense. Alors, les jeux de rôle psychologiques, ce que je veux dire, c'est, alors, j'ai un exemple au niveau psychologie peut-être. Une fois, je fais une partie d'Influenza et il y a un joueur, je vais pas le citer pour respecter sa vie privée, mais il y a un joueur qui joue un Ah, mais petit, je qui connais. décide de Non, jouer un mais personnage en fait qui est en deuil de sa famille. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs. Il a perdu des membres de sa famille et à la fin de la partie, il m'explique que ça lui a fait du bien parce que lui-même, en fait, dans la vie, il était en situation de deuil et qu'en fait, ça lui a permis de quelque part d'exprimer ça. Alors, sachant que moi, en tant que MJ, je n'avais pas forcé la main, c'est vraiment lui qui avait décidé de placer ça dans la situation. Et en plus de ça, c'était un rôliste, entre guillemets, aguerri. Hein. C'est-à-dire que c'est juste. En fait, il a profité des libertés créatives que lui permettait Influenza pour décider qu'il jouait un personnage endeuillé. mais j'ai C'est ça aussi qui envie était de... intéressant, quoi. Alors, au-delà du jeu de rôle, hein, si on veut voir un film en soirée, on le choisit aussi. Et puis, ça permet aussi, enfin, c'est d'une Un manière aspect un peu générale, cathartique, ouais. avec n'importe quel Objet enfin, culturel. média de création. Enfin, je veux pas forcément que la force cathartique du jeu de rôle est plus forte. Ça, c'est. Enfin, c'est une évidence, mais je pense que c'est pas exclusif au jeu de rôle, cet élément-là. Ouais. Et puis quand je parle de mon expérience avec des jeunes au potentiel, en réalité, ils étaient plus là en apprentissage, c'est-à-dire D'accord, je vois, bon, oui. c'était aussi pour passer un bon moment, pour être un moment, c'était aussi un week-end où ils étaient loin de leur famille. Donc, il y avait un aspect un petit peu camp de vacances, si on veut, qui était importante. Et puis, c'était pas de la psychothérapie pure et dure, mais leur apprendre des choses, ça leur permet d'avoir des outils dans la vie, peut-être pour surmonter des problèmes, tu vois. Le Alors côté. moi, je ne suis pas du tout psychologue, donc c'est un peu difficile pour moi. Mais c'est clair qu'avec le jeu de rôle, on apprend des choses. Je pense que c'est aussi pour ça que moi ou d'autres, ou comme Grégoire, on s'est tourné vers le jeu de rôle comme média comme média d'apprentissage, parce que c'est une excellente manière d'enseigner des choses. Pour le côté thérapeutique, psychologique, moi je le mets dans l'énorme sac du centré sur le public, sur le joueur. Hein. Ouais, oui, j'entends bien, ouais. Mais c'est justement, j'avais envie de détailler un petit peu cet aspect-là. Et si tu permets, j'avais une toute dernière réflexion à faire à ce sujet-là. Je pensais aussi où, en fait, je sais pas si vous connaissez le principe de l'art-thérapie. Le principe, bon, de ce que j'en comprends, le principe de l'art-thérapie, en fait, c'est d'aider des personnes, on va dire, à s'épanouir, à s'exprimer ou à mieux vivre les souffrances qu'elles peuvent vivre au quotidien à cause de la maladie, de l'isolement, de divers facteurs déprimants, entre guillemets, tout simplement en leur permettant de pratiquer une activité artistique. et en les en fait en leur offrant du en leur proposant du matériel, en leur proposant un encadrant qui va avoir une formation justement en psychologie, en médecine. Et le principe de l'art thérapie, par exemple, si on demande à une, c'est pas la personne peut bien entre guillemets créer ce qu'elle veut, la qualité entre guillemets artistique ou le contenu artistique n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, enfin disons que c'est une importance minorée, ce qui est vraiment important, c'est de pratiquer l'activité dans le sens de ce qu'elle peut avoir d'épanouissante. Et donc justement, je pense, c'est très personnel, hein, et je ne crois pas que ça a été tellement testé, mais je pense que le jeu de rôle fait partie des activités qui pourraient aussi avoir un sens thérapeutique dans le sens de mieux-être, en fait, d'apporter du bien-être à des personnes qui sont en souffrance, mais pas, simple fait de l'activiser, c'est-à-dire que j'imagine qu'on pourrait proposer à des personnes en maison de retraite. Alors bon, c'est toujours pareil, c'est comme avec l'art thérapie, on a les mêmes problèmes, c'est les problèmes du public. Non mais j'ai ma sœur qui est art thérapeute, elle a ces problèmes-là quand elle justement elle propose des activités, c'est que notamment elle est obligée de parler très très fort pour se faire comprendre, hein. Donc on est d'accord qu'il y a des contraintes qui sont, mais l'idée c'est de proposer une activité pour permettre aux personnes entre guillemets dans une démarche de mieux-être. Oui. Et ça peut être proposé en prison, ça peut être proposé en hôpital. Après, je sais pas du tout si ça existe déjà, quoi. Si des personnes le pratiquent un petit peu dans ce cadre-là, je serais très heureuse d'avoir leur témoignage. Oui, en effet. C'est vrai que ça peut être. Après, peut-être que le temps n'est pas encore venu d'avoir des personnes âgées rôlistes et tout comme il n'est pas encore venu, on sera ces personnes âgées-là, je pense. C'est vrai que c'est difficile de faire jouer une personne âgée qui a 80 ans, qui est sourde et malade. Après, tu peux faire jouer, si on prend des personnes, hein, quand même le problème des personnes qui rentrent à la retraite et qui se retrouvent avec un vide d'emploi du temps qu'il faut combler. Et ça peut être une activité. Généralement, on a des personnes quand elles commencent à rentrer en retraite qui justement s'ouvrent à plein d'activités nouvelles. Et le jeu de rôle, ça peut être une activité qui s'adresse à elles. Il n'y a pas encore beaucoup de retraités anciens rôlistes, c'est-à-dire que pour être attiré par une activité, il faut déjà avoir une attirance. Moi, je pense que il y a quand même pas mal de gens aussi qui mettent certaines activités tant qu'elles sont dans la vie active, qui mettent tout un tas d'intérêts personnels entre parenthèses en disant ah bah ça cette activité ça pourrait m'intéresser mais j'aurais jamais le temps de m'y consacrer, et qui se retrouvent de facto sont beaucoup plus ouvertes une fois qu'elles rentrent soit dans des temps de chômage soit dans des temps de retraite, quoi. Après dans les établissements comment dire d'accueil de personnes âgées, bien souvent il y a des animateurs. Il y a déjà des activités ludiques qui sont proposées. Oui, il y a des activités ludiques, il y a du domino, il y a des jeux de dames, il y a la belote, enfin voilà. On pourrait envisager qu'exceptionnellement, un animateur motivé puisse proposer ce genre d'activité à ses résidents. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ces trois grandes approches, ces trois grands pourquoi, ça vous semble coller ou est-ce qu'il manque quelque chose ? Alors, tu peux résumer juste vite fait. Alors, les trois espèces, c'était quoi ? Je fais de l'animation jeu de rôle pour le jeu de rôle lui-même. Je fais de l'animation jeu de rôle pour le public et je fais de l'animation jeu de rôle dans un contexte particulier. Ouais, dans ça me parle. Contexte éducatif. Ouais. Alors, il y a pour le jeu de rôle, avec le public et dans un contexte. Ouais. Si tu permets, j'avais une réflexion à ce sujet-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire passer à travers le jeu de rôle qu'on pourrait faire passer à travers bien d'autres activités. Exact. Par exemple, la collaboration, si on prend la connaissance. Une personne qui est passionnée par le football, il arrivera sans doute à faire passer ses valeurs par le football, quoi, hein. Et je crois que des fois, c'est moins l'activité qui est importante. Bon, après, ça dépend. Si y a des questions très spécifiques, il y a évidemment des activités qui vont être exclues d'office. Mais je pense que si on réfléchit en général, la nature d'activité est presque moins importante que la passion et, on va dire, l'expertise de l'animateur. C'est-à-dire que si l'animateur, il est vraiment investi dans son activité, s'il cherche à transmettre, il arrivera à le transmettre. Et surtout si lui aussi, il est en position d'être prêt à apprendre et à être surpris par son public et à vraiment, entre guillemets, s'il y a une volonté de partage autour d'une passion, autour d'une activité, je crois qu'on peut prendre n'importe quel média et n'importe quelle activité, quoi. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour le jeu de rôle, de dire que les spécificités du jeu de rôle ne l'excluent pas du champ de l'animation du tout, quoi. Après, moi, j'aimerais aborder la question de ta définition, en fait, Thomas, où tu parlais d'objectif, sans forcément remettre la définition en question. Dans le milieu de l'animation socioculturelle, la notion d'objectif, elle porte en elle la notion de projet. D'accord. Tout comme un projet dans l'animation, c'est comme un scénario. En jeu de rôle, quoi. C'est quelque chose d'un peu linéaire quelque part. Ça veut dire qu'on va poser les rails et qu'on va amener coûte que coûte la personne ou la situation vers une attente, vers notre attente. Je pense que, et c'est valable dans la plupart des situations d'animation de jeu, il est bien souvent, on joue pour jouer, et la posture qui me semble la plus pertinente, c'est une posture d'observateur, en fait, d'observer l'impact que ce qu'on fait peut avoir, en fait. Et du coup, là, il n'y a plus question d'objectif. On joue pour jouer et on observe ce qui se passe. Peut-être que... Éventuellement, on a des objectifs, mais a posteriori. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Les objectifs se définissent avant ou après, mais pas pendant la partie, ou vaut mieux pendant la partie être concentré sur, entre guillemets, sur une tâche de meneur de jeu, sachant que en plus c'est une tâche de meneur de jeu, entre guillemets, compliquée par le fait souvent qu'on a un public spécifique. Mais c'est sans doute, comme tu dis, la meilleure façon d'aborder les choses. Est-ce que Grégoire, tu es d'accord pour qu'on passe la Oui, parole à on va Lionel, passer. parce que je surveille le temps et si on veut tout aborder, faut qu'on enchaîne. Ça roule. Oui. Alors on avait un tout petit peu commencé à expliquer, mais je vais te laisser poursuivre. Oui, c'est-à-dire que je vais pas entrer dans le détail de mes activités comme enseignant. Je pense qu'on n'a pas le temps. C'est On peut juste que. retrouver tout ton témoignage qui est très Voilà. riche, hein, J'aimerais sur revenir le sur quelque dossier. chose qu'on a abordé un peu précédemment. C'est le fait que bon, c'est difficile de trouver des choses clés en main pour un animateur de jeu de rôle en classe, etc. Je parlais du fait qu'en fait, c'est un public limité. Il faut bien avoir conscience que une animation pédagogique, ça prend du temps à être créée. Ça demande aussi du temps pour être transmis. Parce que souvent, on peut dire à l'enseignant, oui, mais voilà, vous avez ce bouquin-là, et puis ça vous explique une activité, et puis vous le ferez la semaine prochaine. Ça marche pas du tout comme ça. En réalité, et c'est aussi pour ça, enfin là, je ne vais pas entrer dans des détails de pédagogie, mais en gros, il y a une nécessité pour chaque enseignant de faire à sa sauce. Pour une question d'efficacité. Et puis, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un public homogène d'enseignants pour une activité de jeu de rôle en classe. Parce que il suffit pas de dire ben, vous avez à disposition un super PDF gratuit que vous pouvez télécharger et imprimer Ou alors un bouquin avec des Ouais, ce qui illustrations. existe, par exemple, sur la BNF, tu peux télécharger un jeu sur la table ronde qui est censé s'adresser aux profs, notamment de collège, puisqu'ils ont ça à traiter au programme. Oui, mais en réalité, ça marche pas comme ça. C'est qu'il suffit pas d'avoir quelque chose d'accessible. Je crois qu'il y a un travail aussi, bon, plus quelque chose qui. Parce que moi, en parlant de ma propre expérience, je crois que ça sert à rien du tout de parler dans des généralités. Donc, je me suis occupé d'une classe de pré-apprentissage en Suisse, et puis fallait dans le programme ajouter un aspect créatif dans le programme, ne sachant pas dessiner, et encore moins enseigner les dessins et ni la musique, ben j'ai proposé carrément 2 leçons par semaine d'activités créatives et ludiques, qui consistaient essentiellement dans du jeu de rôle, mais aussi un peu du jeu de société. Et puis, ben, il fallait que j'invente tout. Fallait que j'invente tout, mais le fait, si j'avais formalisé, j'en ai formalisé un petit peu certaines de mes activités, notamment l'activité autour de zombie cinéma. Mais en réalité, ma réalité d'enseignant n'est pas la même qu'un autre enseignant. Ma manière d'approcher le jeu de rôle d'approcher pédagogiquement certaines thématiques n'est pas la même. Donc, en fait, de toute façon, il y a un travail. Même si tu as les choses clés en main, tu les modifies, tu les fais à ta sauce, etc. C'est vraiment pas évident. Et s'il n'y a pas comme ça pléthore de méthodes ou de systèmes ou d'éléments pédagogiques, c'est aussi parce que justement, il y a cet aspect, il n'y a pas de public. Je pense que le seul moyen de développer un jeu de rôle pédagogique qui soit efficace dans les écoles, bon déjà il doit pouvoir rémunérer la personne qui le fait, et puis là-dedans il y a la transmission de la méthode par des ateliers. Donc il y a plein d'aspects. Je pense qu'il y a aussi du matériel. Je Mais pense que ça c'est tu quelque vois, chose ça qui. se met en, si je permets, Lionel, ça se met en place puisque, par exemple, là, dans 15 jours, je vais avoir. Bon, le podcast sera encore pas sorti à ce moment-là, mais je vais avoir l'honneur d'animer justement un atelier à destination des animateurs pour expliquer justement quelles pratiques de jeu de rôle on peut faire ben dans le cadre de, entre guillemets, dans le cadre de l'éducation, quoi. Voilà, on est d'accord. Enfin, Donc moi, c'est plutôt le fait que j'ai été convié à faire ça, c'est plutôt on voit qu'il y a une marche des institutions Tu dans le bon vois, sens, quoi. il y a aussi le fait, bon, je vais prendre de nouveau mon exemple, hein. Donc, mes activités créatives et ludiques étaient un assez grand succès. J'en parlais avec un de mes collègues. Qui lui était très intéressé aussi, mais je pouvais lui proposer tout clé en main, je pouvais même lui venir en soutien la première fois qu'il faisait, mais il y a un aspect, lui, il ne se sentait pas de le faire parce que j'avais fait le jeu de rôle, etc. Et puis, mais je pense que ça, ce n'est pas spécifique au jeu de rôle, c'est-à-dire qu'une méthode qui sort un petit peu du cadre au niveau pédagogique, même pour aussi une visite guidée un peu interactive, un petit peu, c'est pas évident, enfin, pas n'importe qui s'improvise à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est une des difficultés, c'est-à-dire une marche de plus à faire que ce qui est classique, j'entends l'ex cathedra en classe. Dans une autre vie, j'ai pas mal animé d'ateliers en classe, justement, à partir de jeux de plateau qu'on avait créés au niveau du boulot. Et en effet, c'est assez complexe à transmettre. Alors, autant nos interventions, ben, elles étaient bien accueillies et ça posait pas de problème. Autant quand on voulait organiser des micro-formations pour expliquer les règles du jeu, comment ça s'utilisait, c'était déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué. Oui, Voilà, ce qui nous paraît évident à nous, rôlistes aguerris, pour quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle, qui a en plus des difficultés à apprendre le jeu, doit en plus organiser une activité avec des enjeux qui s'ajoutent, c'est compliqué. Ouais. De nouveau, là, par rapport à la chose de Forme 904, il y a des gens qui viennent aux journées animation, quand on a fait à leur bibliothèque, qui viennent. J'ai acheté votre livre, il est super intéressant à lire, etc. Mais on fait comment pour y jouer? Là, pourtant, on explique, enfin, il y a l'éducation du jeu de rôle. Enfin voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Moi, j'ai déjà, en initiation, des fois, j'ai. Je me rappelle, j'ai joué une fois avec un joueur marocain qui avait sans doute pas du tout les mêmes référentiels que moi. Et il a mis une heure, on a joué à un jeu de rôle qui était relativement simple, hein, et il a mis une heure à comprendre qu'est-ce que c'était d'interpréter un personnage, tu vois, déjà, parce qu'en fait, il n'y avait vraiment pas les référentiels, il n'avait pas les mêmes référentiels que moi, et ça a été très compliqué de lui expliquer c'était quoi interpréter un personnage, quoi. Mais c'est évident, parce que le jeu de rôle, s'il il est apparu dans les années 70, c'est pas un hasard. C'est qu'avant... Mais en fait, il n'y avait peut-être pas le bagage culturel ou le terreau qui permettait aux gens de comprendre et de s'amuser dans cette activité. Après, je pense qu'on peut dépasser ça en faisant encore évoluer les formes de jeux de rôle et en trouvant des jeux de rôle qui soient... Ouais. Je pense à un jeu que développe Snorri, là, un mec de Casus, qui s'appelle Old Ladies, où on oui. joue des... en fait, grosso modo, on joue du arabesque ou du... Miss Marple. Miss Marple, et tu dis, ça s'adresse à un public complètement différent et qui peut intéresser des personnes qui ne feront jamais, ne comprendront jamais l'intérêt de jouer à Donjons et Dragons, quoi. Je comprends. Je préfère jouer à un arabesque à Donjons et Dragons. Mais, enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette difficulté de transmettre. Mais ça, c'est quelque chose... Et de nouveau, hein, en pédagogie, pour un enseignant, c'est pas que pour le jeu de rôle. C'est dès que ça sort un peu du cadre, dès que ça devient un petit peu original... C'est évident. Le jeu de rôle, en fait, c'est quelque chose... C'est une démarche originale. C'est pas évident. Il y a cette. Moi, je crois. Enfin, ça sera dans les wishlists à la fin. Bah, tant que ce n'est qu'une difficulté, c'est pas grave en fait. Hein. C'est que ça peut. C'est un défi. Il faut le voir comme un défi aussi, intéressant. De toute façon, moi aussi, je vois la chose comme aussi. On a des compétences en tant que rôliste. Faut se dire que peut-être on les a acquis, hein, en ayant joué, en ayant peut-être créé des jeux de rôle. C'est ce qui fait que je suis unique et que si la musée de la ville de la Chaux de Fonds, musée historique, veut faire une animation historique sur sa ville en jeu de rôle, ils vont s'adresser à moi parce que je suis plus compétent pour le faire. Voilà, au-delà de ça, hein, d'une manière peut-être un peu plus égoïste, moi en tant qu'animateur, en fait c'est ce qui fait que je peux m'assurer une clientèle. Voilà. Et je pense aussi le risque qu'on peut voir, après c'est une question, hein, j'ai pas la réponse, hein. C'est supposons un futur complètement utopique et dingue où le jeu de rôle se retrouve institutionnalisé dans le genre où il y a une heure de jeu de rôle par semaine au collège, dans tous les collèges de France, c'est un exemple. Le risque, ce serait que du coup, pour institutionnaliser, enfin pour généraliser entre guillemets une activité, on se retrouve à en pratiquer les formes les plus pauvres possibles et à concevoir des jeux de rôle tellement appauvris pour pouvoir justement les rendre accessibles que finalement on propose qu'un ersatz de l'activité et qu'on passe à côté complètement de ce que peut vraiment apporter le média. Après, ça c'est c'est une question très globale de qu'est-ce qui se passe si on standardise les choses. Et c'est vrai que quelque part aujourd'hui, le fait que le jeu de rôle, notamment au niveau de l'éducation, de la pédagogie, soit pris en charge par des personnes qui sont en fait passionnées par ce média et qui généralement sont plutôt expertes, parce que je pense pas qu'un MJ débutant se risquera. C'est quand même le profil des personnes qui pratiquent ça, c'est quand même souvent des gens qui ont de la bouteille et même qui aiment bien bricoler des systèmes dans leur coin et tout ce qui sont déjà presque biclassés auteurs. Donc on est quand même sur un profil d'animateur qui est vraiment expert dans son domaine. Quoi. Oui, alors. C'est le cas dans... Alors, excuse-moi, Grégoire. Non, pas de quoi, juste vas-y. Deux secondes, c'est par rapport à... Là, on entre dans la question des intervenants extérieurs en classe. C'est toujours des gens passionnés et qui sont compétents dans leur sujet. C'est le cas aussi pour le jeu de rôle. Et je crois que, et peut-être que c'est là qu'il faut peut-être se l'avouer, c'est que dans le jeu de rôle, ben, il faut avoir, pour faire de l'animation spécifique dans le jeu de rôle, il faut avoir les compétences de l'animateur, mais aussi dans le jeu de rôle. Et puis ça, on l'a. Et puis pas tout le monde l'a. Et puis au-delà de ça, hein, par contre, il y a des personnes qui s'y intéressent, qui ont peu d'expérience en jeu de rôle et qui voudraient quand même essayer. Donc, je pense qu'il faut quand même pouvoir leur proposer des choses, justement, d'accéder à cet apprentissage Ben, et de permettre justement de développer ça, quoi. On est parfaitement d'accord. Tout comme il y a des gens qui s'intéressent à faire de la musique et puis peut-être faire un petit concert à sa famille au tuba, je sais, enfin, au tuba ou à la trompette. Et puis il a besoin d'un enseignant qui a des meilleures connaissances que lui, peut-être des techniques à lui apprendre. On dit souvent que l'intérêt de l'enseignant, c'est d'avoir au moins une leçon d'avance sur son élève. Donc on peut imaginer qui se forme sur le tas au fur et à mesure, quoi. Alors, pour prendre ce que tu dis à contre-pied, Thomas, à propos des gens passionnés par l'activité qu'ils peuvent mener, à contrario, par exemple, pour mon intervention à la médiathèque, ce qui a été prépondérant, c'est pas le fait que je sois passionné. Ça, c'était un prérequis, mais c'était pas ce qui était important. Ouais. Ce qui a permis que je puisse mettre en place cette animation, c'est bien parce que je suis animateur pédagogique de métier et que j'étais pas simplement dans le prosélytisme vis-à-vis du jeu de rôle. Oui, on est d'accord. Ah oui, parce que effectivement le risque aussi, si c'était trop, enfin entre guillemets, l'animateur qui jugulerait mal entre guillemets sa passion pour le jeu de rôle, ce serait déjà qu'il propose des choses qui soient pas accessibles, qui soient trop tout de suite, il veut faire du rôle master à des jeunes de 10 ans parce que lui il adore ça, quoi. Ça ce serait pas une bonne façon de faire les choses, enfin j'imagine. Et aussi effectivement de trop se concentrer sur l'idée de peut-être justement de vouloir fabriquer des futurs rôlistes alors que son objectif d'animateur, ça serait plutôt être de faire de l'apprentissage. Effectivement, il faut prendre le recul nécessaire, puis des fois aussi peut-être et ne pas hésiter à simplifier quand il faut simplifier. Je veux dire simplifier sans être simpliste, mais rendre les choses accessibles et entre guillemets savoir que la passion ne prenne pas non plus le pas sur les autres objectifs. Quoi. Et savoir pourquoi on est là, quoi. Enfin, ouais. Alors, si vous permettez, il nous reste 5 minutes hein, après le timing que vous m'avez proposé. Est-ce que je peux utiliser ces 5 minutes pour aborder, puis on fera pas la troisième partie, mais en fait, ça, quelque part, je crois qu'on l'a fait hein, un petit peu en débattant ensemble. C'est quand même faire un rappel, quelque part, on a déjà commencé à le faire, un rappel pendant ces 5 minutes sur les contraintes qui, pour le moment, il faut le prendre comme un défi sur quelque chose qu'on peut peut-être améliorer. Les contraintes qui effectivement freinent le développement du jeu de rôle en animation, je pense que la première, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est quand même le fait que souvent on a un public qui est nombreux. Oui. Et ça c'est pas facile parce que dès qu'on a plus de 4 ou 5 joueurs, et encore, si t'as 4 ou 5 joueurs autistes, c'est pas pareil qu'avoir 4 ou 5 joueurs adultes, entre guillemets, qui n'ont pas un autisme. Hein. Donc il y a Johan Sipion, il a fait une partie avec des trisomies qui étaient 4 ou 5, le nombre était pas un problème, le problème c'est que c'était une activité qui pouvait pas leur parler. Enfin, d'après Johan, il a pas eu l'impression que les personnes qui jouaient avec lui, qui étaient des personnes avec une trisomie, étaient vraiment dans le jeu en fait. C'était l'animateur qui jouait, l'accompagnateur qui jouait à leur place. Ils étaient à peine spectateurs de l'activité. C'est exactement ce qu'on disait juste avant. Il faut un animateur compétent par rapport au public aussi. Enfin, ouais, des fois, il faut un animateur qui fasse la partie jeu de rôle et puis un accompagnant, comme tu étais avec Lionel, avec les enfants à haut potentiel, qui fasse un autre type d'accompagnement qui cible les spécificités du public, quoi. Bah, oui, par exemple, John, il a allumé des trisomies, il y avait un accompagnateur qui gérait le fait que les personnes avaient une trisomie, parce que Johan ne savait pas le faire, entre guillemets. Quoi. Mais la question, elle est centrale pour moi, c'est la compétence. Oui. C'est-à-dire que notre passion nous a amené à devenir compétents. Alors, c'est pas forcé, hein. Mais c'est parce qu'on est passionné qu'on a beaucoup joué dans le jeu de rôle et puis qu'on s'y est intéressé et puis qu'on est... enfin, voilà. Et puis après Chaque personne individuellement, moi j'ai des compétences en histoire, ce qui fait que pour un public d'historiens très pointu, je pourrais leur donner une expérience de jeu sur la Chaux-de-Fonds 504 qui est également extrêmement pointue et qui vont les faire kiffer parce que je vais pouvoir leur sortir des détails. Ils vont eux-mêmes jouer avec des éléments d'histoire qu'ils connaissent eux. Enfin, voilà. C'est peut-être pas des trisomiques, mais pour que ça les satisfasse, il faut aussi Ouais, être un peu quelque part prêt, tu aussi, vois. Donc c'est les une question de publics fond. plus compétents que la moyenne sont aussi un enjeu Moi, différent, je vais pas faire un truc sur l'environnement parce que je suis pas compétent. Je suis compétent en jeu de rôle, mais je peux pas faire ce que fait Grégoire parce que hein. lui, en fait, il y a la compétence dans le jeu de rôle, mais il y a la compétence aussi dans la côté, hein. Ouais, ou des compétences humaines pour gérer des publics qui sont différents, Non, mais des fois ça suffit pas. enfin pédagogiques, Les ouais. trisomiques, j'ai beau avoir un côté très humain, je pense pas que je suis capable de gérer une équipe de trisomiques. Non, ça Donc voilà. nécessite des Et compétences. là, ça demande une compétence. Ouais, tout à fait. Alors là, tu t'essayes de mettre en équation le nombre de joueurs Alors oui. En fait, et bon, là, l'activité. on a abordé le fait d'avoir des publics particuliers, mais alors, je pense qu'on peut clore cette question, mais c'est vraiment effectivement le nombre de joueurs. C'est-à-dire, bah, toi, Grégoire, tu m'expliques que tu te retrouves dans les intempéries scolaires à avoir géré une équipe de 13 gamins. C'est vrai que le jeu de rôle traditionnel ne prévoit pas ça, quoi. Alors, c'est une contrainte qui est très importante. Même un prof de collège, comment fait-il pour animer du jeu? Bon, t'as fait du jeu de rôle avec des élèves en pré-apprentissage, mais Lionel, mais t'avais 4-5 élèves, je crois. Si Non, un prof j'en ai de eu 15. collège, il a une classe de 25, quoi. J'en ai eu 15. Moi, je 15. mets du jeu de rôle à Alors 15, 15. ta solution, c'était d'utiliser du jeu de rôle à narration C'est une partagée. autre activité, c'est Oui. différent. Il y a une autre, enfin, de toute façon, effectivement, il y a la contrainte du nombre de personnes, parce que du jeu de rôle à partir de 6 ou 7, c'est difficile. Avec les HP, les hauts potentiels, on était aussi 14 heures. Alors là, j'étais meneur de jeu. Vraiment, c'était du jeu de rôle. Puis tout ce qui est plus classique. Ils étaient jusqu'à 12, 13, 14, mais c'était l'objectif aussi de l'activité. C'était du fait qu'ils sont à beaucoup, donc ça devient la cacophonie. Donc ils doivent se gérer les temps de parole, etc. entre eux. L'aspect apprentissage était aussi Se mettre d'accord sur des actions en commun, quoi. Si il faut oui. explorer une maison, si Puis chacun va se dans une prendre pièce à différente, leur ça place va dans pas le le faire, groupe. quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui, des fois, enfin, c'est ce que m'a expliqué le psychologue, ont des problèmes pour trouver une place dans des grands groupes. C'est-à-dire quand ils sont trois ou quatre, c'est pas trop un problème, mais par contre, dès qu'il y a plus de monde, ils ont du mal à prendre une place dans le groupe. Et puis ben là, la partie, le fait qu'ils soient 13 ou 14, ça leur apprend à prendre une place dans le groupe, à savoir quelle peut être leur position par rapport aux autres, etc. En même temps que c'est un réel défi de maîtrise pour toi en tant que meneur de Non, jeu. parce qu'on ne doit pas intervenir. C'est qu'on doit Il faire les un laisse trouver exercice une intellectuel. dynamique tout seul. Ouais, exactement. Parce que justement, ce n'est pas à nous de leur donner les clés. Mais je ne vais pas entrer dans le détail de cette Non. activité Mais ouais, non, mais c'est qui est. intéressant, hein. Oui, tout à fait. Ça fait très. Il y a d'autres solutions qui sont les bitables ou le table ouverte où en fait tu gères le nombre, mais en fait au lieu de les gérer dans l'espace, tu les gères dans le temps. Un table ouverte te permet de faire Je une veux pas dizaine, parler une pour quinzaine de quelqu'un qui n'est personnes pas à là, étaler sur le temps. mais il y a des personnes qui font des activités jeux de rôle où les joueurs sont meneurs de jeu aussi, tu vois. Ouais. Après, moi, j'ai toujours privilégié plutôt les systèmes sans meneur de jeu. Enfin, je faisais plusieurs tables. Je devais faire plusieurs tables. Donc, je faisais comme ça, quoi. Mais Enfin, même dans les systèmes sans meneur, il y a quand même un animateur, quelqu'un qui transmet les règles, qui Oui, recadre. venez autour de la table et puis je vous explique les règles. Et puis on fait une petite partie test avec deux, trois autres personnes, moi, deux, trois autres personnes, puis les autres les regardent. Et après, chacun, enfin, Voilà. À ce niveau-là, si vous voulez des références, il y a Uri Kurliantchik, qui est un rôliste et pédagogue israélien, qui a écrit un article sur PTG-PTB. C'est ce le lien que tu m'as mis, Grégoire? Ouais, c'est ça. Ok, donc je mettrai. Hein. 2 maîtres de jeu face à 30 enfants. Donc j'ai mis l'intégralité de des articles disponibles en français de cet auteur. C'est génial, hein. C'est génial, allez voir ces articles. Donc il y a des possibilités, mais c'est une autre pratique, quoi. Ouais. Mais voilà. Ce que je pense aussi souvent, c'est que de toute façon, pour faire face à toutes ces contraintes, j'avais noté d'autres contraintes, c'était... Oh non, j'avais pas noté d'autres d'ailleurs. C'est quand même souvent, on est obligé de s'improviser, game designer, hein. C'est-à-dire que tu peux pas utiliser un jeu du commerce tel quel. Soit tu vas le hacker, soit tu vas carrément créer un truc de toute pièce pour pouvoir t'adapter aux contraintes de l'animation. Hein. C'est rare de pouvoir faire du jeu de rôle tel qu'il existe dans le commerce. Enfin, après, il y a plein d'exceptions qu'on a citées, mais souvent, il faut s'improviser game designer, quoi. Il y a des contraintes institutionnelles aussi. C'est-à-dire que il n'est pas rentable, entre guillemets, pour l'institution d'avoir un animateur pour 5 enfants. Ouais, bien voilà. Sûr. Et donc, là, on peut difficilement passer à côté, quoi. Il faut vraiment s'adapter à ça et puis dire ok, bon bah, ou alors j'adapte mon activité et je fais du jeu de rôle. Il y a les soirées en cave qui fonctionnent bien aussi, voilà. Avec un grand nombre de joueurs. Ouais, mais là ça nécessite énormément de travail parce que tu peux pas faire une soirée en quête que tu as sortie de ton chapeau, faut que tu la crées. Oui, et puis les contraintes, elles sont justement, quand je reviens par rapport au public et puis. Enfin, aux contraintes, et puis le fait qu'il n'y a pas un grand public, si tu sors un bouquin de jeu d'animation, c'est qu'en fait, les contraintes, elles changent à chaque fois, et sur des éléments différents. Donc, il y a le temps qu'on a évoqué. La durée, le public, hein, c'est que tu as des trisomiques, des HP, ou des enfants, ou des adultes, etc. C'est pas, enfin, tout ça, ça fait qu'il y a une grosse diversité et que tu es chaque fois obligé de bricoler d'une année. Et pour rien que prendre un exemple, hein, rien que d'une année à l'autre dans ta classe, tu n'as peut-être pas le même nombre d'élèves. Des profils d'élèves différents, quoi. Moi, j'ai eu, pour prendre mon activité créative ludique, j'ai eu des pré-apprentissages pendant 2 années. Il y en avait, une année, j'en avais 15, une année, j'en avais 5. 5 ou 6. Donc l'activité, elle peut être abordée de manière complètement différente. Il faut une grande capacité d'improvisation, parce que c'est des problèmes qui peuvent surgir, que tu peux pas anticiper. Alors je me permets de citer une de tes expériences personnelles, Lionel, c'est quand tu fais une partie de Adventure Party à des élèves, là, et ils rencontrent une magicienne, et il me semble qu'ils commencent... qui commence à lui manquer clairement de respect en fait, et qu'il y a un problème. On rencontre qu'il y a un problème de maturité à la table. Je crois que c'est que des garçons d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, t'es obligé de les recadrer. C'est quelque chose qui est pas. Là, il faut improviser à ce moment-là parce que t'as pas forcément prévu. Oui, mais après départ. Ça, c'est un problème de contrat social, quoi. Ouais, mais après c'est une question. Après, t'es en classe. Moi, j'avais une contrainte. Hein, je devais leur mettre une note. Ouais. Enfin. Après, c'était pas une note qui comptait de manière très importante, mais enfin, il y a des contraintes. Dans le cadre scolaire, là, c'était plus à me taquiner que clairement. J'ai eu des fois où j'ai eu à gérer des jeunes qui n'avaient pas envie d'être là. Ça, c'est... pas envie de jouer. Et puis, comment tu fais quand les gens ils mettent les pieds contre le mur? Voilà, c'est aussi des choses à gérer. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'objectif pour ça. En général, déjà, ça aide un peu plus. Voilà. Pour leur cacher les objectifs. Il ne faut pas qu'il y en ait. Non, il faut juste jouer pour jouer. Mais ça ne suffit pas forcément. Ils voient tout le temps. Voilà. Je ne veux pas entrer dans les détails, surtout que là, on n'a plus le temps. Ouais. Ouais. Alors moi j'ai tout mon temps, mais effectivement vous aviez des contraintes horaires, donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce que vous préférez profiter du fait qu'on est dans le timing Bah, je sais pas, au niveau de la lettre au Père Noël, Ouais, par vite exemple, fait. le mot de la fin, quoi, la conclusion, ouais, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez quand même apporter vite fait, quoi. Non, je sais pas Alors trop. moi, dans ma lettre au Père Noël, Ouais. alors c'est vas-y. Quelque chose que moi, je souhaite mettre en place. bah, pareil. Donc je déplace un petit peu, enfin, je parle maintenant de mon activité professionnelle, c'est que j'ai envie de mettre en place clairement une structure qui permet de proposer de l'animation jeu de rôle sur mesure, à la demande, etc., mais également enfin, vraiment une structure privée qui peut aussi proposer dans des écoles privées, l'enseignement spécifique qu'ils À en des proposent, particuliers enfin, aussi? ben, tout client qui se manifesterait, enfin, je parle de clients, mais ouais, c'est des clients. Oui. Le fait est que vraiment de pouvoir mettre en place vraiment une structure qui va de l'animation jusqu'à la formation d'animateur, avec aussi la création de contenu spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, mais dans ma lettre au Père Noël, j'espère pouvoir y parvenir, avoir le temps, les moyens. Mais Parce qu'on n'en a également pas parlé, que mais il y a ça. aussi certaines entreprises qui sont demandeuses, hein, Oui, je sais, mais là, nouveau, ça demande un certain nombre de compétences qui sont qu'il encore faut spécifiques, quoi. avoir. Voilà. Mais de toute façon, jamais personne, une seule personne pourra toutes les compétences qui sont nécessaires. Donc, de toute façon, c'est aussi. Et c'est là que moi je vois l'intérêt de rôliste professionnel. Je vais plutôt m'adresser là aux professionnels, de s'associer, associer aussi leurs compétences pour mettre en place des structures qui facilitent et permettent tout ça. Bon, la Fédération française de jeux de rôle, pour prendre un exemple, mais ça peut aussi être d'autres associations, voilà, qui permettent de mettre en réseau Bah on pour manque, hein. avoir C'est des vrai que structures qui. c'est sans doute qu'on manque d'un réseau, savoir qui sont les animateurs jeux de rôle. Et Ça, puis j'ai en aussi plus mettre, client. et puis j'aimerais Ouais, aussi ouais. lancer mon petit coup de gueule. Donc je sais même qu'il y a des amis qui sont acharnés contre ce genre de choses. Moi je trouve qu'un diplôme, quelle que soit sa valeur, hein, je m'en fiche, que ce soit décerné de manière publique ou privée, ou j'en sais rien, mais c'est quelque chose de très utile. Pour moi, en tant que professionnel dans l'animation de jeux de rôle, si j'ai un diplôme supplément, enfin juste une attestation externe, ça me permettrait de justifier mes demandes pour des projets, ça me permet aussi de justifier un salaire que je peux réclamer pour une activité, etc. Parce qu'en fait, en quelque sorte, le seul diplôme que tu peux faire, voilà, c'est ton diplôme d'historien, quoi. Et ton diplôme d'enseignant, mais t'as pas de diplôme en jeu de rôle, quoi. Exactement, donc je joue là-dessus, et puis après, ben, je fais valoir mon expérience. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui a mon expérience, mais qui ont les compétences, et puis juste pouvoir indiquer qu'on a fait un petit peu, enfin, on est reconnu par quelques-uns de même ses pairs. Hein, au moins les examinateurs, si on veut. Pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Le fait d'avoir des diplômes en dessin n'a jamais empêché tout le monde de dessiner, voire même des gens de faire des grosses carrières sans avoir de diplôme. Ça permet aussi aux gens. L'intérêt des écoles, notamment dans l'art, c'est pas forcément d'apprendre des choses, c'est de mettre les gens en réseau aussi. C'est-à-dire, moi, je me rends compte, je ne savais pas être indépendant, je ne savais pas gérer une entreprise, etc. J'ai fait un cours où on était plusieurs personnes dans le même cas. Ben, ça nous a permis de nous mettre en réseau. On ne fait pas du tout les mêmes activités, mais voilà, ça peut avoir l'air tout bête, mais je pense que ça, c'est des aspects que les rôlistes devraient en avoir rien à fiche. Parce que s'il y a des gens qui font des diplômes et puis toi tu l'as pas, qu'est-ce que tu t'en fous? Enfin, moi je vais pas être jaloux du gars et puis c'est pas parce qu'il a un diplôme libellé, je sais pas, moi, Games Workshop spécial Heavy Warhammer, que ça va déprécier mes propres compétences comme meneur de jeu. D'accord. Voilà. Grégoire, tu avais quelque chose à ajouter? Au niveau des structures, en tout cas en France, qui pas forcément spécialisées dans le jeu de rôle, mais qui font déjà du bon boulot à ce niveau-là, il y a les Copains de Rêve de Jeu, qui sont installés aux alentours de Lyon essentiellement, mais il y a pas mal de Parisiens qui sont dans l'association. Et là, c'est moi, j'ai été animateur là-bas, c'est une école de l'animation jeu de rôle, quoi. Aussi, et pas Ouais, que. peut-être qu'on peut citer Opal et ProgeR, qui sont, Ouais. à ma connaissance, des associations qui sont quand même très dynamiques Faut citer dans ce trois structures, secteur-là, quoi. sinon on est obligé de payer Oui, voilà, ouais. Et sinon, ouais, en termes d'envie, moi je sais pas, je souhaiterais pas forcément mettre en place une structure parce que c'est peut-être un peu prématuré, mais en tout cas mettre au clair une démarche d'animation. À partir d'un jeu, quoi. Voilà. J'ai pas plus à dire. Ouais, Donc, alors moi, oui. si vous me laissez une minute aussi pour mon mot de la fin, Allez, vas-y. ouais, super. Bah, moi, les vertus du jeu de rôle que je trouve qui leur donnent un intérêt dans l'animation, bah, c'est essentiellement le fait de faire développer l'imaginaire, le fait de s'exprimer quand même. Ça c'est vraiment le fait de collaborer entre personnes. Et puis c'est pour moi, c'est aussi le média de la créativité par excellence, quoi. C'est vraiment la créativité que ça développe, c'est vraiment d'une grande richesse. Et je voudrais conclure, sauf si vous avez quelque chose à ajouter par derrière, avec une phrase de l'auteur de jeu Paul Chéguet, hein, celui qui a écrit My Life in Masters, une phrase que j'aime beaucoup, qui dit: les jeux de rôle ont quelque chose d'important à dire au sujet de la vie, de la collaboration humaine et de la manière dont le monde fonctionne. Ah. Bravo. Moi, j'avais Tu pas as bien envie de appuyé rajouter ça. par rapport à ça, quoi. Je rejoins complètement. Tout à fait. Eh bien, Grégoire, Lionel, je vous remercie d'avoir fait partager vos expériences. On peut retrouver Merci à vos toi. interviews, hein, dans le dossier que je vais mettre en lien. Voilà, je vous remercie d'avoir consacré du temps à défricher. Alors bon, encore une Il y a fois, du je pense boulot qu'il y aura encore. plein d'autres choses à dire, hein. C'est vraiment quelque chose qui va, à mon avis, exploser dans les prochaines années. Donc c'était intéressant de faire un petit état des lieux, Tout à fait. pour Tout à fait. subjectif et limité qu'il soit. Ok. Eh bien, merci à vous. Merci Si vous avez beaucoup. encore un peu de temps, on débriefe en privé. Mais Ouais. sinon, je vous dis à une prochaine, peut-être autour d'une table, d'une convention. Ça roule. Au revoir à À bientôt, tous. Thomas. Salut, bye bye. À bientôt, Lionel.